Donc si toi aussi tu vas faire des promenades inférentielles du côté de chez Elminster, bienvenue sur les podcasts Outsider. Bonjour messieurs, mesdames et personnes non binaires. À nouveau un podcast Outsider Game Design Jeu de Rôle, toujours avec en compagnie de Frédéric Sintès. Hello. Salut Frédéric. Donc Frédéric, c'est la suite en fait d'un podcast entretien avec toi, en ta qualité en fait de game designer de jeux de rôle et puis aussi de enfin un grand retour en fait sur tous tes articles sur le jeu de rôle quoi. Et donc c'est une petite série de questions là-dessus quoi. Ben, reprenons. C'est vrai que Reprenons. podcast précédent, on s'est bien étendu. Voilà. Donc là, on va commencer par du lourd puisque du coup la question que je vais te poser c'est la théorie du vide fertile, telle que tu l'as développée, n'est-elle pas surtout adaptée aux jeux de dilemmes moraux plutôt qu'aux jeux tournés vers une esthétique? Ouais, celle-là, je l'attendais. Alors, alors, franchement, naïvement, je dirais que le vide fertile, ça s'adapte. Ce qu'il faut peut-être le définir rapidement, ce qu'est le vide fertile. Ouais, si t'as, je sais pas si t'as un pitch d'ascenseur pour le vide fertile, Bah, pas trop, en fait, mais mais. ouais. Donc, on parlait de systémique dans le podcast précédent. Alors clairement, pour moi, le vide fertile, c'est la façon dont, enfin, on va dire, il y a des mécaniques de jeu qui sont pratiques parce qu'elles évitent des conflits dans la fiction. Il y a des mécaniques de jeu qui permettent de dynamiser la fiction. Globalement, le vide fertile, c'est quand l'ensemble des comment dire ça? C'est quand l'ensemble des éléments qui constituent enfin, le système, donc au sens de l'homme, enfin, du système, du principe de l'homme play, donc on en a un petit peu parlé dans l'épisode précédent, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'expérience en fin de compte, permettent de créer une synergie créative entre les participants et de les amener quelque part où aucun d'eux ne serait allé tout seul, quoi. Ouais. C'est très précis, je pense qu'on va créer des billets d'aller suivre un lien que je donnerai, enfin, ou plusieurs liens que je donnerai à Oui, d'autres bien sûr, on participants. mettra des liens, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, est-ce qu'il est possible de faire alors, donc naïvement, je dirais oui, on peut faire du vide fertile avec toutes sortes de propositions créatives. Donc, tu parles de jeux moraux et de jeux esthétiques. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à parler de narrativisme et de simulationnisme. Je pense que, enfin, c'est ce problème ou que je peux quand même partir dans cette direction-là. Oui, bien sûr. Bon, surtout que, par exemple, quand je parle de jeux à dilemme moraux, j'ai l'impression que, enfin, les jeux moraux, j'ai l'impression que c'est assez, je parle sous ton contrôle, mais assez convergent avec ce que tu appelles le narrativisme, parce que notamment quand on lit ton article, un petit retour sur le narrativisme, tu insistes quand même sur les dilemmes moraux. Là, au cours de cet entretien, tu as encore rappelé l'importance des dilemmes moraux dans le narrativisme. Oui. Après, j'ai aussi l'impression que pour moi, enfin, la principale différence, c'est que pour moi, ça se mélange pas bien ou pas. Dans la définition que j'en ai, en tout cas, là où le jeu esthétique et le jeu moral peuvent éventuellement cohabiter. Non. Oui, c'était l'idée, ouais. Ouais, ok. Enfin, généralement, il y en a un qui est au service de l'autre, si tu veux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une esthétique au service de dilemmes moraux ou des dilemmes moraux qui sont seulement là, en fait, pour être intégrés à une esthétique. Mais ouais, ça, en tout cas, ça peut cohabiter, ouais. Ouais, bon, donc si on voilà, nos différences sont explicites maintenant, donc on va pouvoir le dire, on va pouvoir le développer. Alors, donc naïvement, ça fait 3 fois donc que je commence cette phrase. Donc oui, à mon avis, on peut faire du vide fertile avec toutes les propositions créatives maintenant. J'ai l'impression que du côté du simulationnisme, quand on lit l'essai de Ron Edwards, il y a une idée assez importante, c'est l'idée de ne pas regarder derrière le voile. Donc, ça signifie que il faut faire super gaffe à toutes les mécaniques qui se font pas oublier, en fait. Et dès que le joueur voit la structure, dès qu'il voit les ficelles, eh ben, à ce moment-là, la démarche simulationniste peut être en difficulté ou peut être mise à mal, quoi. Est-ce que je peux faire une petite remarque là-dessus? Vas-y, je t'en prie. Il y avait un article dans Vincent Choupeau, dans sa série d'articles sur l'immersion en GN. Donc, en GN, il y a eu un moment, et si tu veux, il y a eu une école qui s'appelait les immersionnistes. Ouais. Et notamment, les immersionnistes, donc c'était des gens qui recherchaient l'immersion avant tout. Et ils prétendaient que c'était en fait une quatrième démarche créative, à coller Non. en plus de la GNS. Voilà, Vincent Chouppeau, ce qu'il dit, c'est non, en fait. Pour lui, non. C'est une attitude. Et après, c'est-à-dire qu'il y a des jeux narrativistes où tu vas avoir de l'immersion, d'autres, tu n'en auras pas. Et pareil pour le simulationnisme. Voilà. Après, comme l'immersion est un concept déjà extrêmement vague, pour certains, ce qu'on pourrait appeler l'immersion dans une pratique narrativiste, n'en serait pas. Et bon, Ouais, on mais peut. cette idée, bon, si, alors là, on va faire effectivement un résumé à la Truelle dans cette idée de ne pas voir les coulisses, de ne pas voir les voiles. Ça me semble assez convergent avec l'idée d'immersionnisme, telle qu'on pouvait la lire dans les articles justement sur l'immersionnisme. Ouais, On mais peut c'est déjà. se poser la question de est-ce que c'est la seule façon de faire de est-ce que vraiment c'est obligatoire dans le simulationnisme en fait? Est-ce que c'est pas Alors, juste une fraction du simulationnisme, une école? dans l'article de Ron Edwards, donc c'est celui qui se nomme Simulationism, the Right to Dream, donc le droit à Le droit de rêver, rêver, ou oui, en tout tout à cas fait. le. Ouais. Eh bien, ça semble quand même un élément central. Après, dans le simulationnisme tel qu'il le décrit, il y a aussi la possibilité de jouer en explorant le système en priorité. Alors, je m'étendrai pas là-dessus parce que je sais pas comment l'aborder, en fait, ce sujet. Il prend l'exemple de GURPS et en disant, voilà, certains jeux abordent le simulationnisme en se centrant sur le système. Ouais, c'est ça. Dans GURPS, les Legos sont drôlement visibles quand tu construis ton personnage, Voilà. notamment. Tu peux assembler des Legos et c'est très très visible que tu es en train de fabriquer de l'esthétique, quoi. Et c'est. Je pense que ça doit quand même suivre un certain nombre de règles, comme par exemple le fait que les mécaniques doivent suivre une certaine causalité pour être acceptables. En fait, je préfère à la limite prendre l'exemple inverse. Pour moi, prosopopée que j'inclus dans qui pour moi en fait a une proposition simulationniste. Eh bien, ces règles, elles sont trop, je pense, sont trop. Trop visible, trop. Par exemple, quand on résout un conflit, enfin un conflit, un problème plutôt, dans le jeu, on a souvent l'impression que le jeu s'arrête et D'accord. qu'on se retrouve à faire des efforts créatifs et d'interprétation des règles qui vient un peu briser la proposition du rêve éveillé collectif. Si aujourd'hui je crée Prosopopée, je pense que j'essaierai de changer ça, mais c'est D'accord. pas non plus, ça casse pas non plus le jeu, c'est juste c'est un Une peu petite plus. entorse, en tout cas, aux prescriptions de Ron Edwards, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que ça se sent quand on joue quand même, qu'il y a une mécanique qui est un peu lourde sur le qui Ouais, reste un peu sur c'est-à-dire l'estomac. un petit peu visible qu'on est en train de créer quelque chose ou en train de respecter un canon, quoi. Et ben du coup, il me semble que Prosopopée, tu l'as présenté plusieurs fois en exemple, jusqu'à récemment, comme étant un jeu avec un vide fertile. Ouais, dans le sens où j'ai l'impression que, enfin, dans les parties, les meilleures parties en tout cas, ou en tout cas mais pas mal de parties quand même, la synergie créative est stimulée par le jeu, et en plus, parfois, les parties nous emmènent dans des endroits où on ne s'attendait pas. Personne avant le début de la partie n'aurait pensé aller. Je t'arrête sur cette idée de on va là où on n'avait pas prévu d'aller. Oui. Est-ce que Bien. le système, lui, l'a prévu cette, ça, en fait? Le système ne l'a pas prévu, mais il a. Alors. Ou est-ce qu'il a prévu l'imprévu? Est-ce qu'il a prévu que tu puisses, en quelque sorte, il a peut-être prévu que le jeu aille plus loin que ce qu'on imaginait? Voilà. Non, mais il a quand même tout fait. Enfin, au final, il est vraiment conçu pour ça. C'est-à-dire, en fait, je vais donner un exemple tout bête. Dans une partie mais il faut pas prendre l'exemple pour argent comptant parce que justement, c'est un peu le problème avec cette histoire de systémique, c'est que on peut facilement prendre la conséquence pour la cause, alors que ou faire de c'est comment ça s'appelle déjà cette figure de style, c'est je sais plus. Bref, prendre la partie pour le tout, c'est ça. Et donc, dans certaines parties que j'ai jouées, à certains moments, les problèmes ont changé. C'est-à-dire qu'il y a eu on a développé l'histoire vers quelques problèmes. Et à un moment, un joueur essaie de résoudre un problème, il rate ou il fait une réussite partielle. Donc, un autre joueur raconte comment un problème se change. Et de fil en aiguille, en fait, la partie est allée vers quelque chose de complètement inattendu. Et c'est comme ça, je pense, que le système de prosopopée crée, enfin, alimente, en tout cas, une certaine forme de vide fertile. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce dont on parlait dans le podcast précédent, c'est-à-dire que le fait que ben, quand un joueur décrit une fleur au bord d'un chemin, ça peut être complètement anecdotique ou à la fin de la partie, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire ou ça peut même être un élément essentiel de la résolution de la partie. Et donc, je pense que ces deux choses mises ensemble, ça produit, ça, enfin, ça, on pourrait même parler de favoriser ou de faciliter un vide fertile ou de. Voilà. Après, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte, mais je vais pas les lister ici. Ouais, mais en gros, ce que tu observes, c'est il y a un certain nombre de mécaniques qui déjà prises à part, sont vertueuses. Chaque Voilà. mécanique a un effet vertueux, mais en plus, quand tu les mets ensemble, avec les joueuses au milieu, bien sûr, ça fait de la synergie qui fait que le tout est, enfin, le tout est plus intéressant que la somme des parties, quoi. Voilà. En fait, je me rappelle que Christophe m'avait dit peut-être qu'avec Prosopopée, on a enfin un jeu simulationniste pervis. Ouais. C'est-à-dire que la mécanique, même si elle est un peu trop lourde, peut porte une démarche créative dans le sens comment dire, et une démarche créative qui est, je sais pas comment dire ça, qui fait une émulsion, qui permet une émulsion créative à table, quoi. D'accord. Du coup, je voudrais prendre le problème à l'inverse maintenant, si tu veux bien. C'est du coup, est-ce qu'on peut dire que le vide fertile est particulier, enfin, concevoir un jeu sur le modèle du vide fertile, Ouais. quand on veut faire un jeu moral, un jeu narrativiste, si tu préfères, ça fonctionne particulièrement bien. Alors, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que The Forge a plutôt exploré cet angle d'attaque-là. Ouais, donc peut-être tout simplement dire qu'on avait déjà plus d'outils pour y Est-ce arriver, quoi. qu'on peut le faire en ludiste, enfin, avec une approche ludiste? Pareil, je pense que oui aussi, même si j'ai pas trop d'exemples. Ça fait un moment que je me traîne Agon de John Harper dans pas le jeu de pas le jeu basé sur Oui, pas le jeu de Mathieu les bouquins de Gaboury, Mathieu Gabrit, mais Agon dans la Grèce antique là. ouais. Et j'ai très envie de jouer au jeu, mais j'ai l'impression que je sentirais plus s'il y a un vide fertile ou quoi si j'étais joueur. Je suis pas sûr que le jeu en comporte un. Donc ouais, la question se pose. Mais à mon avis, ce qui se passe, c'est que de toute façon, dans les modèles qu'on a dans les approches plutôt de propositions narrativistes sont inadaptés à des vides fertiles pour pour le simulationnisme ou pour le ludisme. Je pense qu'il faut un saut de paradigme très important. Et donc, ça Ouais. demande un travail de recherche que je pense essayer d'entreprendre pour le ludisme, notamment bientôt avec quelques projets. Parce que notamment, dans ton dernier article sur le vide fertile, tu fais carrément des prescriptions en fait pour créer un vide fertile, et notamment t'expliques comment il faut partager la narration, mais en fait. D'ailleurs, c'était quelque chose qui était pas mal déjà réfléchi par la Forge à une époque. Comment on partage la narration selon les démarches créatives. Et du coup, le conseil que tu donnes, bah, il est valable pour un type de démarche créative, quoi. Clairement, quoi. Eh bien, Sur le partage de la narration, par exemple. alors, ben, en réalité, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait. En fait, c'est pas très précis non plus la façon dont je dis qu'il faut. En fait, ce que je dis, c'est qu'il vaut mieux que le jeu soit dans le côté droit de la tomate mûre que d'un côté là. Ouais. C'est-à-dire que il vaut mieux que. Je sais pas comment dire. Ça donne quand même une marge de manœuvre assez grande, quoi. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être du côté de Prosopopée ou de Polaris de Ben Lehman. On n'a pas besoin d'aller aussi loin. Il faut juste éviter qu'on soit dans le cas de figure où une personne dirige la partie, une personne ou un scénario ou un. Tu vois, je pense qu'il faut, pour qu'il y ait une émulsion créative, il faut que les participants soient peut-être pas sur un pied d'égalité, mais pas loin. Ça, c'est valable pour le narrativisme ou en général? Ben, je pense en général. Ok. Je pense en général parce que même dans le ludisme, on a besoin de. Je pense que si on veut vraiment arriver à quelque chose qui ressemble à du vide fertile, il faut que les participants aient une capacité à modeler la fiction. Tu vois, que ce soit pas juste un MJ qui pose des problèmes, les joueurs qui les résolvent. Ouais, il y a une sorte d'enjeu autour de l'équité, quoi. Voilà, et de la créativité conjuguée des participants. Après, je me plante peut-être puisque c'est encore un terrain à défricher. Donc, J'ai le sentiment, enfin, moi, ce que ça m'apprend, le vide fertile, ouais. c'est que aussi, bah là, en fait, on commence à parler de dynamiques de systèmes qui sont un peu complexes, avec des synergies, tout ça, des effets cachés. Enfin, c'est-à-dire que si tu prends les mécaniques prises à part, tu peux pas forcément prédire que l'effet global. Et du coup, ça fait que des fois, on peut imaginer qu'il y a des auteurs, des game designers qui ont fait des jeux à vide fertile, mais sans trop y faire exprès en fait, c'est-à-dire sans même être capable même de voir où sont les synergies et d'analyser leur jeu derrière pour savoir comment ça marche en fait. Ouais, alors ben éventuellement, après c'est un pari un peu. Ça reste un pari de dire ça. Donc, soit c'est. Si je pense que certains jeux de The Forge comme Dogs ou Voilà, enfin, ils sont parvenus, c'est aussi parce qu'ils ont créé dans une logique systémique déjà. Ouais, puis déjà, il y avait cette approche quand même d'empiler les mécaniques vertueuses, quoi, quelque part. Voilà. Si tu empiles des mécaniques qui sont toutes, qui servent tous ton objectif, il y a fort à parier que ça va faire une synergie positive, quoi. Voilà, en tout cas, c'est possible. Et puis, il y a l'idée de refuser les mécaniques trop directives, les mécaniques trop. Il faut que tout se fasse toujours en potentialité, que ce soit jamais, un flingue sur la tempe, quoi. Ouais. Et puis préserver l'émergence, voire même plutôt la favoriser, quoi. Voilà, exactement. Ouais, même la stimuler, et même. C'est un concept qui est. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme un Graal, il ne faut pas le prendre comme. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui font des choses très intéressantes, très bien, autrement. Par exemple, au début, Space Ronin, quand j'ai commencé à bosser dessus, c'était un. Je l'ai vraiment conçu comme un jeu d'opportunisme. C'est-à-dire. Voilà, vous avez des leviers sur la fiction. Donc ça veut dire activer pour le joueur activer un mauvais penchant qui est sur sa fiche, agir dans le sens de ses principes, etc. Et le MJ de son côté a les siens. Et ça fait des trucs cool. Mais au départ, j'ai pas du tout pensé au vide fertile. Dans les parties qu'on a jouées, au final, je me suis dit, ah, il y a peut-être quand même un vide fertile, quoi. Mais on peut voir que. Je sais pas, on n'est pas obligé d'aborder le jeu. Ben, par exemple, si on prend les PBTA, j'ai pas trop vu de vide fertile pour le moment, mais ce sont des jeux qui sont bourrés de qualité, quoi. Il n'y a pas forcément besoin qu'ils aient un vide fertile pour reconnaître leur qualité. Bah, encore une fois, c'est peut-être une question aussi d'exigence. Tu parlais de voile, dans le sens où là, ce qui est recherché dans le vide fertile, c'est que ce soit. Qui a un effet puissant mais discret, quoi. C'est-à-dire que ce soit pas visible que ça marche, en fait. Je sais pas comment expliquer autrement. Ouais. Je trouve qu'il y a la discrétion, une recherche de la discrétion quelque part. Alors, c'est pas la même chose que le voile, que ne pas regarder derrière le voile, dont on parle essentiellement. Oui, parce que l'histoire de voile, il y a quand même quelqu'un qui a les informations, par exemple le MJ. Voilà, en général, ouais. Et puis, il y a l'idée, avec le voile, que comme le MJ est le dépositaire de... Enfin, souvent, hein, Du canon esthétique, par exemple, voilà. Dans les jeux simulationnistes, ouais. Et puis, il peut... Enfin, l'idée, c'est qu'il... Comment dire ? On est dans un cas de figure un peu... Enfin, qui est franchement différent. Et qui et où le MJ aurait tendance à apporter la chair de la partie, donc les règles, le système, etc. Reposent beaucoup sur lui. Donc les joueurs peuvent être dans une posture beaucoup plus recentrée sur leur personnage. Et donc ça c'est la structure de simulationniste mais historique, on pourrait dire. Ah ouais. Ouais, mais de toute façon, je me suis fait un peu emporter par les images et t'as raison de repréciser la différence entre le concept de voile et puis le concept de discrétion, quoi. Donc, si j'ai bien compris, en substance, ce qu'il faut retenir, c'est que selon la démarche créative que tu veux émuler avec ton jeu, si tu veux un vide fertile, tu vas pas devoir penser avec les mêmes outils, quoi. Selon la démarche créative, les vides fertiles fonctionnent d'une façon totalement différente. Voilà. Je pense à un jeu de Fabien Ilvine qui s'appelle Le Jardin des Esprits, que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques temps. Enfin, on n'est pas allé au bout de la partie, mais du coup, on en a beaucoup discuté après. Que j'ai trouvé vraiment... Donc, pour moi, il soutient une proposition simulationniste et j'ai l'impression qu'il a un fort potentiel à vide fertile. En fait, c'est un jeu dans lequel on joue... Alors, C'est un peu je pense, la réponse de Fabien à Prosopopée. Justement, c'est pour ça, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qui me semble particulièrement intéressant sur tout ce qu'on a pu développer jusque-là sur cette question. C'est que, en fait, c'est un jeu dans lequel on joue donc une personne, je ne sais plus comment il appelle ça, mais qui est un peu comme un sage, qui se retrouve dans un milieu humain. Ce milieu, en fait, humain est souvent pétri par des tragédies familiales ou des drames, bref. Et en fait, il y a des manifestations surnaturelles. Et du coup, on est amené à réagir à tout ça, quoi. Donc, d'une part, le MJ est quand même en position de rétention-fascination, dans le sens où il sait ce qu'il y a, ce qui s'est passé. Et en fait, il attend un peu que le joueur révèle, mais en même temps, il révèle pas. Et c'est lui qui pose un peu un niveau d'exigence par rapport à ça. Et donc, le joueur est amené à interagir avec les personnages de l'intrigue préparée, quoi, en quelque sorte. Et la mécanique est ultra simple, en fait, c'est une sorte de memory avec des cartes à jouer. Et en fait, quand le joueur interagit suffisamment avec certains PNJ, bah, le MJ lui révèle la carte associée à ce PNJ. Et plus tard, si jamais tu veux essayer de résoudre des situations, eh ben, tu dois retrouver la carte qui correspond au bon PNJ. Et du coup, en fait, il y a une vraie légèreté et quelque chose de très intuitif dans l'interaction entre cette mécanique et les participants, qui fait que enfin, elle se fait pas oublier, mais en tout cas, elle est très très discrète. Et donc, il y a quelque chose de très élégant. Et en fait, le jeu lui-même, est vraiment complètement fondé sur l'asymétrie entre les connaissances du MJ et du joueur. Alors, il y a un côté. Des fois, ça peut être un peu laborieux, hein, de réussir à avancer sur l'enquête. Et je trouve que, ouais, du coup, par rapport à Sphinx et à Prosopopée, le jeu s'éloigne un peu des game design forgiens qui peuvent être, comme je le disais, parfois un peu trop présents, un peu trop. Visible en tout cas, ouais. Ouais, pour qu'on puisse jouer sans regarder derrière le voile. Et donc, pour moi, c'est vraiment un jeu prometteur. J'ai l'impression que Fabien a enfin atteint quelque chose qu'il recherche depuis longtemps, c'est-à-dire explorer une proposition simulationniste de manière peut-être plus efficace que ce que ces jeux précédents le permettaient, du fait qu'ils étaient encore un peu trop empreints des game design forgiens plutôt adapté au narrativisme. Et d'ailleurs, je me pose aussi la question, moi, j'ai des projets donc ludistes, donc enfin, j'ai pas trop parlé, mais en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que quand j'essayais de créer une préparation de partie avec un réseau de personnages, si le but, c'est que ces personnages réussissent à être à produire des tactiques intelligentes, donc prenant en compte la situation, etc. Mais en tant que MJ, ça demande un travail qui est très très différent de, par exemple, la création de canevas dans Démiurge. C'est-à-dire que dans Démiurge, la création de canevas, elle contient des thèmes, des révélations qui se veulent bouleversantes, quoi. Et en fait, une fois qu'on a un sac de nœuds avec des enjeux bien ficelés, enfin, bien ficelé. Disons, une fois qu'on a des enjeux forts, on peut lancer la partie, et puis en impro, le MJ intègre les enjeux qu'il a prévus. Et ça, je dirais, ça va presque tout seul, parce que, enfin, il faut quand même une mécanique, je pense, qui soutienne bien le rebondissement de l'histoire. Mais sinon, j'ai jamais trouvé ça extrêmement difficile de préparer des canevas ou des villes dans Dogs, parce que il faut juste des idées un peu croustillantes, quoi, des choses qui bon, tu peux facilement prévoir que ça va faire réagir les joueurs, qui pourront pas y rester insensibles. Alors que dans un jeu où on veut qu'il y ait un réseau de personnages qui tire parti de la situation de façon tactique, bah là, je me dis, il faut que je parte vers autre chose, quoi. Il faut que je change. Ouais, bah, je pense qu'il faut que tes PNJ, c'est bête à dire, mais quelque part, il faut qu'ils soient plus creusés parce qu'ils aient des leviers à faire sur eux, qu'ils aient des motivations diverses. Ouais. Ouais, en fait, il y a une profondeur à rechercher un peu plus, quoi. Je parlais de ludisme. Est-ce que Oui, c'est... mais tu vois, bon, le ludisme, moi, j'en fais que sans préparation. J'avoue que c'est un peu Ouais. différent. Alors, Mais quand il y même, a à chaque fois une qu'il y a une manière. relation sociale avec un PNJ, tu es obligé de te poser vraiment beaucoup, je trouve, beaucoup plus de questions que quand tu fais un jeu moral, par exemple, parce que à chaque fois que les PJ font une proposition à un PNJ, tu dois t'interroger de est-ce que ça sert ses intérêts, est-ce qu'il serait enclin à accepter ce type de proposition, quels sont les leviers qu'on peut avoir sur cette personne, comment on peut influer sur elle, quels sont ses alliés, quels sont ses ennemis, enfin, alors que sur un jeu narrativiste, je pense qu'un PNJ avec une histoire centrale forte. Et puis on va dire des liens, quelques liens, quoi, ça suffit là amplement. Je trouve que quand tu veux faire du jeu d'intrigue tactique, donc ludiste, il faut que ce soit plus fin en fait. Alors, ouais, voilà, je pense que. Alors, ça ne veut pas dire que pour le narrativisme, il n'y a pas besoin forcément de creuser, etc. Mais je pense que dès qu'on a un peu de partage de responsabilité, une mécanique qui crée des conséquences intéressantes et qu'on a des enjeux de départ forts, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se tisse pendant la partie. On peut quand même, oui, on peut quand même avoir pas mal de boulot, mais c'est vrai que voilà, sur le plan du jeu tactique, j'ai l'impression. Alors, si on recherche cet effet, en fait, mon inspiration, c'est Hunter x Hunter, un animé où les situations sont toujours, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, mais de manière parfois vachement complexe. Et donc, j'aimerais réussir à retrouver ça dans les parties de ce jeu. Et donc, je me retrouve à créer des PNJ où en effet, ce qui est important, c'est d'une part les moyens qu'ils peuvent avoir, qu'ils peuvent mettre en œuvre, et comment tirer la situation à leur avantage. Mais on est bon, on n'est pas sur le, du coup, on est moins sur la psychologie, on est moins sur bien que l'animé dont je parle a quand même un côté. Assez étonnamment parfois assez psychologique. Et donc ouais, il y a cette question de levier, de ficelle. Si jamais on scripte tout, ben le problème c'est que du coup les joueurs n'ont plus rien à faire là-dedans. Si jamais donc on ne veut pas scripter, la question voilà, c'est comment réussir à créer cette espèce d'entrelac de personnages qui vont pouvoir tirer parti les uns des autres et tirer parti de la situation en impro quoi. Et ça, c'est j'ai essayé de le faire d'abord avec une préparation donc qui ressemble un peu à celle de Demiurge, et clairement je m'essoufflais énormément à avoir ce, parce que ça demande en fait une forme d'intelligence. Il faut que je trouve des moyens d'aider à ce que cette intelligence tactique ne repose pas entièrement sur les épaules du MJ, parce que sinon, je pense que, enfin, moi en tout cas, je serais pas très satisfait par le jeu si c'est ça. Ouais, je vois, Il faut ouais. en plus qu'il y ait des outils adaptés, même, je pense, pour le MJ, pour pouvoir réagir de façon intéressante. D'ailleurs, tu remarques qu'en fait, le cœur de mes préoccupations, ben, tu le sais sans doute, hein, mais c'est toujours de comment amener des choses qui m'intéressent, souvent que je prends de fiction linéaire, mais en respectant le fait que le jeu de rôle, c'est un jeu de potentialité, et donc éviter à tout prix que ce soit scripté. Que ce soit par un scénario ou par des règles, voilà, moi c'est le truc, c'est le cœur de mes préoccupations en game design. Et donc on voit bien avec cet exemple de jeu tactique qu'il faut changer de paradigme aussi pour chercher un vide fertile dans les démarches ludistes ou simulationnistes. Ouais, bah ça me fait penser un peu à tout ce que dans l'OSR ils appellent l'économie, quoi. Notamment, c'est un peu la façon dont ils vont penser, comment doit s'articuler un bac à sable pour que justement ça fourmille de situations tactiques et qu'il y ait moyen de que tu puisses actionner de façon fine un petit peu tout le que ce soit l'environnement, mais aussi les figurants. Ouais. Avec vraiment une grosse réflexion sur la gentilité, justement. Ouais, ce qui fait que l'OSR, ouais, ça fait partie. Enfin, quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment des choses à explorer dedans. Alors, juste, enfin, tant qu'on est dans la question du vide fertile, pour le moment, j'ai pas encore vu de jeu OSR qui me semble pervi. Mais je trouve que ça. Enfin, j'ai fait. Bon, enfin, est-ce qu'on empiète sur la question 8 ou est-ce qu'on ou est-ce qu'on passe à la 7? Je sais pas ce que 8. t'en penses. Ouais, Parce que là, on a. on va se garder ça pour la bonne bouche là du coup, parce qu'effectivement on avait prévu de Ouais. parler de l'OSR, donc on va Ouais. en parler plus tard si tu veux bien. Ouais, ok. Ouais, c'est assez intéressant justement de se demander s'il y a des jeux OSR pervis, ouais, on va en reparler. Ouais. Du coup, si tu veux bien, ouais, on va passer à la question 7. Cette question, c'était la suivante. Quel genre de jeu profond te paraîtrait avoir un contrat social clair pour les joueuses? Alors, je vais rappeler qu'est-ce que j'appelle un jeu profond. C'est, je dirais, un jeu à diverses facettes et à longue durée de vie, quoi. Donc, c'est soit Un des jeu jeux à campagne, malléable. voilà. Soit pour faire des campagnes longues, soit pour faire beaucoup, beaucoup de one shot, quoi. Donc, qui est conçu pour avoir effectivement, pour être relativement élastique, malléable, et notamment une des caractéristiques du jeu profond, c'est que, enfin, c'est pas tous les jeux profonds, mais il y en a où en fait, t'as typiquement par exemple quand tu prends Donjon Dragon avec la montée de niveau, où en fait on a un changement de gameplay au fur et à mesure du jeu, quoi. Ouais, ok. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a des jeux profonds qui ont un contrat social clair pour les joueuses? Et sinon, comment on pourrait faire pour que ça soit possible? Alors d'abord, contrat social, tu l'emploies dans quel sens? Bah, contrat social dans le sens où c'est assez Parce que clair ce à quoi on veut la jouer. cellule sur la cellule et contrat social, c'est souvent assimilé à limite à une vraie mise au clair avant de jouer de ce que propose un jeu. Alors que Ouais, c'est plutôt dans le ça. sens forgéen, c'est tout ce qui est interpersonnel en fait. Ah, on va dire contrat de table, tu vois, c'est ce que D'accord. Greg Gorzeski appelle le contrat de table, parce qu'il fait, il a un article là-dessus où il dit, bah ouais, mais contrat social, il y a énormément de choses qui sont non dites, qui sont de l'ordre des dynamiques, donc dire que le contrat Même social, des c'est choses on qu'on pose précise des pendant choses la sur la partie. table, bah non, c'est pas vrai. Donc oui, disons le contrat de table, c'est-à-dire est-ce que on peut jouer un jeu profond et réussir en début de partie ou plus tard d'ailleurs, à être clair quand même sur ce qu'on attend et enfin, sur ce qu'on peut attendre comme expérience. Ou est-ce qu'on est condamné en fait à une expérience floue, quoi? Ouais. Alors, c'est une question intéressante qui, je pense, soulève beaucoup de questions subsidiaires. Par exemple, souvent, j'ai l'impression que le plus gros du contrat de table on va dire dans les jeux de rôle classiques très très malléable quoi, enfin où le MJ peut facilement être créatif au niveau de la préparation de partie, au niveau d'où il veut aller, des thèmes qu'il veut aborder, etc. Ben c'est souvent des choses qui sont contenues dans le scénario. Et la question c'est, est-ce que le MJ veut garder la surprise totale sur ce que contient son scénario, ou est-ce qu'il veut quand même aiguiller un petit peu les joueurs sur enfin, à quoi ils vont jouer, sur quels vont être, est-ce qu'il va y avoir des besoins des fois de faire appel à des outils pour que la partie soit safe. C'est donc, enfin, ça c'est, à mon avis, c'est le point de départ. Ouais, si j'ai l'impression que ce que tu me dis, c'est que la réponse est dans ma question, c'est que pour qu'un jeu ait un contrat social clair, il faut qu'il ait un contrat social clair, quoi. Eh C'est-à-dire ben, qu'avec ouais. suffisamment de briefing à chaque début de scénario, quoi. En fait, dans les jeux de rôle classiques, alors je sais que le jeu profond, ça englobe plus que les jeux de rôle classiques type années 80-90. Ouais. Mais. Bah, si tu prends un Fiasco, par exemple, qui est un jeu que tu peux quand même énormément rejouer, c'est tout sauf un jeu classique, mais je pense que c'est un jeu profond, quoi. Voilà. Donc, pour le moment, je reste un peu sur les jeux classiques. Bon, enfin, moi, dans ma bouche, classique, c'est pas sale. Hein, c'est vraiment juste que c'est ceux qui étaient là, qui étaient les. Mais MJ, scénario, cara, compétence, quoi. voilà. Et moi, plus particulièrement, je le définis par la présence d'un scénario. Si on le prend comme une pratique, il y a la présence d'un scénario et qui est plus ou moins laissé libre, en fait, pour le MJ. C'est-à-dire que le MJ peut écrire aussi bien un scénario d'enquête qu'une quête épique avec des donjons, enfin, ce qu'il veut, quoi. Il y a un Ouais, tandis côté. qu'un Pathfinder, par exemple, avec où en fait Pathfinder, tu sens que ça a été conçu pour jouer les aventures PAF, c'est-à-dire les campagnes officielles, quoi. Et donc on peut dire qu'on est cadré du début à la fin, quoi. Ouais. Voilà, ben on peut dire par exemple que Patient 13 Dino, même si. Alors, le MJ peut ajouter autant de scénarios qu'il veut dedans quand même, s'il veut, mais il y a quand même, c'est quand même, il y a quand même une campagne écrite qui est quand même très, très, très vissée à la proposition du jeu et à l'expérience que le jeu est censé proposer. Pour moi, ça reste un jeu classique dans le sens où il fonctionne quand même avec scénario dans le sens. Classique du terme. Mais c'est vrai que du coup, contrairement à je sais pas, l'appel de Cthulhu par exemple, il a quand même une proposition assez resserrée. Après, du coup, je me demande, est-ce que ça, enfin, pour moi, un jeu campagne, est-ce qu'on peut encore le qualifier de jeu profond? En plus, Ah oui, la je question se suis pas pose. sûr que tu puisses jouer, enfin, Patient 13, à mon avis, il a un potentiel, aller de 10 séances, quoi, quelque chose comme Ouais. ça, quoi. C'est presque un burst. Ouais. Les bursts que Ino a écrit ensuite, Acte de Tombeau, c'est 6 séances. J'ai l'impression que ça tombe, ça quitte le giron des jeux profonds pour entrer dans le giron des jeux spécialisés, quoi. Des jeux intenses, tu veux dire. Ouais. Ouais, parce qu'il y a une, je pense, il y a une différence entre ce que tes concepts de jeux profonds et de jeux intenses. Et les concepts que j'ai utilisés récemment Jeux de jeux boîte à spécialisés. outils et de jeux spécialisés, qui à mon avis, enfin moi c'est juste pour dire un jeu spécialisé, toutes les mécaniques convergent vers une expérience spécialisée, justement spécifique, très D'accord. resserrée. Mais pour Alors toi, ça que, n'empêche pas une longue durée de vie, par exemple. alors c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des jeux où on va jouer en campagne pendant longtemps avec un jeu spécialisé plutôt qu'avec un jeu boîte à outils. Ouais. Le jeu boîte à outils, c'est souvent un jeu justement où les mécaniques sont là, ben, un peu comme des pansements, quoi, ou des rustines. Et donc, elles ne sont jamais, jamais vraiment nécessaires. C'est l'idée. En fait, Romaric C'est à faisait une toi distinction que d'assembler, j'aime ouais. beaucoup. Romaric Briand, il disait que voilà, les jeux traditionnels, c'est des jeux auxquels on joue, où le système du jeu à l'œuvre pendant la partie, c'est celui de la table, c'est pas celui du jeu. C'est des jeux modulables, quoi. Et en général, voilà, qui compte sur la tradition de jeu de chaque table et qui souvent ben l'assume, quoi, hein, avec la règle d'or ou avec juste l'idée que, ben, que chaque groupe puisse orienter le jeu comme il l'entend. Enfin voilà. Donc il y a bon, après voilà, on va pas forcément creuser plus que ça la différence entre nos concepts parce que je pense que c'est pas non plus Oui, puis si hyper tu utile pour veux, répondre à la question. si tu es plus à l'aise, par exemple, de répondre à la question en parlant des jeux boîte à outils, tu vois, Ouais. si tu as besoin de reformuler la question, je t'en prie, hein, OK. L'idée, c'est pas forcément de te piéger en t'amenant sur des concepts que moi j'ai imaginés et qui sont pas forcément familiers. Non, en fait, j'ai l'impression que dans jeu profond et jeu intense, en fait, vraiment, les termes profond et intense sont cruciaux. Parce que, tu vois, comme tu parlais de fiasco, par exemple, Oui. ou je sais pas. Enfin, moi, il y a des jeux, en effet, que je qualifierais d'intenses, et pourtant qui sont plutôt classiques dans leur forme, tu vois. Donc j'ai En l'impression fait, qu'il y a. la différence, c'est que les termes profonds et intenses ont été conçus pour pouvoir. Ils s'excluent pas forcément, en fait. Ouais. Bah. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir des jeux à la fois profonds et intenses et des jeux qui Ouais, sont ni ok. profonds ni intenses. Tandis que j'ai l'impression que jeux boîte à outils et jeux spécialisés, c'est des termes que tu as conçus pour qu'ils s'excluent mutuellement, en quelque Alors, sorte. c'est pas qu'il s'exclut, mais c'est plutôt un dégradé. T'as le Oui, bien jeu sûr. le plus boîte à outils possible, c'est ben on pourrait presque dire vampire avec sa règle d'or et le fait qu'on te dise qu'en fait c'est pas ce qui les règles sont pas importantes. Et à l'opposé, ben des jeux comme My Life with Master où t'as vraiment une structure très tu vois, sans aller dans le jeu, enfin, quoique c'est un peu scripté quand même, My Life with Master, sans être aussi scripté qu'Imperfect, c'est quand même un jeu où tout converge vers une expérience donnée. Et T'es censé utiliser toutes les règles, quoi. voilà. Ouais. Et de toute façon, je vois mal comment, ou alors à moins de faire du game design en amont, je vois mal comment on peut jouer à My Life with Master sans respecter les règles à la lettre. Ouais, tandis qu'un Donjon et Dragon 1, tu pouvais enlever un bout de règle, le reste tenait, quoi. Voilà. Donc en fait, pour moi, Apocalypse World, typiquement, c'est un jeu qui est un peu au milieu, parce qu'il y a un côté modulaire avec le fait qu'on puisse créer des moves en jouant, etc. Et en même temps, les règles sont quand même importantes quoi, dans ce jeu-là. On ne va pas s'amuser à dire, ah ben non, j'enlève. Enfin, ça me semble difficile de dire, ah tiens, j'enlève l'action, enfin le move, prendre. C'est quoi prendre par la force? Je sais plus Ouais, trop. c'est ça, ouais, il y a quand même un cœur du jeu central que tu peux pas Ouais. déboulonner, quoi. Et d'ailleurs, Vincent Baker disait que son jeu, on pouvait prendre que les moves de base et jouer avec déjà. Ensuite, on pouvait si ajouter les moves des archétypes pour développer un peu l'expérience, quoi. Et puis ensuite, il y a les moves qu'on peut créer en cours de partie qui viennent encore ajouter une richesse supplémentaire. Mais Ouais, et du coup ça, c'est de la modularité. c'est un peu voilà la modularité ou ce que j'appelle des empilements de gameplay au fur et à Ouais. mesure, ouais. Et ce qui n'empêche pas le jeu d'avoir quand même une proposition. Alors, ce n'est pas un jeu spécialisé. Pure soupe quoi dans le sens où on peut faire quand même enfin voilà il y a des tables qui font des trucs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres mais c'est quand même Il y pas a un comme jeu une identité quand même. ouais voilà c'est pas un jeu où tu vas faire un scénario enquête puis après un scénario bac à sable puis Ouais, t'es après à peu enfin il y a près sûr de faire principalement du drama. Ouais. Mais comme c'est un jeu vanilla quand même, il est très souple et adaptable aux envies de chaque table, quoi. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai essayé de faire du bon gros drame sanglant avec. J'étais joueur, hein, et globalement, j'ai pas été hyper satisfait non plus. Donc, parce que les enjeux de mener les joueurs par leur bout, quoi, par comment. Qu'on dit ça, mais par leur bide, leur Ouais, alors c'est en fait c'est un principe qui est censé porte-monnaie. s'adresser aux PNJ même. Ouais, voilà. Oui, pardon, j'ai Ouais, dit joueur, les PNJ sont ouais. mus par leurs bas instincts Oui. C'est si on ça. veut résumer ça, ouais. Voilà. Donc, en fait, moi, dans la partie que j'ai jouée, j'ai trouvé que ces enjeux étaient un peu. Enfin, je sais pas. Soit ils n'arrivaient pas à m'intéresser. Soit je trouvais dommage qu'il n'y ait pas plus de complexité et de profondeur de personnage, pas de jeu, hein, ouais, j'avais envie que en fait, les enjeux soient plus profonds, soit que la mécanique soit un peu plus crunchy. Et je trouvais que le jeu avait été un peu, voilà, pas hyper satisfaisant du fait de pas, enfin voilà. Mais alors, est-ce que c'est Pour une moi. question de clarté? Ouais. sur les intentions du jeu, ou est-ce que c'est une divergence entre les intentions du jeu et toi, ce que tu recherchais? Non, c'est plutôt en rapport avec ce que moi je, avec mes exigences à moi en fait. Ouais, je pense que, ouais, je pense que enfin, je suis devenu quelqu'un d'horriblement exigeant hein, avec les parties de jeux de rôle. Et c'est terrible, hein, mais il y a beaucoup de copains qui me sortent un jeu trouvé sur Story Game, le forum ou ailleurs. Et puis on commence à jouer, puis ils voient que je fais la moue dès le début, quoi. Et là, voilà, on sait juste que je m'ennuie. En fait, je pense que c'est aussi ben, lié au. Comment dire, à mon cheminement en tant que rôliste, c'est-à-dire à d'avoir. Enfin, j'ai beaucoup joué aux jeux de rôle tradis pendant que j'étais jeune. Et comme on était jeune et comme le jeu de rôle tradis nous aidait pas beaucoup, ben, on a fait beaucoup de parties de merde. Malgré tout, comme j'ai un frère aîné qui s'est beaucoup investi dans son rôle de MJ, j'ai quand même eu des parties vraiment excellentes, vraiment très fortes. Et donc, mais qui était quand même assez rare par rapport aux parties que je jouais avec mes potes de collège, etc. Quand j'ai commencé à vouloir être MJ, je me suis pris les pieds dans tous les pièges possibles, etc. Et donc, il y a un moment où, quand j'ai commencé à me prendre des vraies claques, ben, c'est arrivé quand j'ai découvert les jeux de The Forge hein, en grande partie. Et je dirais que c'était un moment dans ma vie de rôliste où j'étais un peu à la croisée des chemins entre ben, passer à quelque chose qui allait me permettre de gagner de l'argent dans ma vie ou continuer à m'intéresser aux jeux de rôle, tu vois. Et je pense que c'est à ce moment-là, c'est bien tombé que j'ai découvert Dogs et d'autres jeux comme ça parce qu'ils ont vraiment ranimé la flamme pour un loisir pour lequel je commençais à m'y retrouver de moins en moins. Après, en tant que MJ, j'ai quand même pas mal de satisfaction. C'est plutôt en tant que joueur et c'est intrinsèquement lié à ce besoin d'empowerment dont je parlais au début du podcast précédent. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très à l'aise dans le fait d'avoir assez peu d'impact sur l'histoire ou sur les événements de manière générale et qui n'ont aucun problème voilà, à incarner leur personnage pour créer de la couleur un maximum. Et moi, en fait, ouais, j'ai ce besoin viscéral que mes actes aient des conséquences sur l'histoire ou sur voilà ou que je puisse résoudre que ce soit l'enquête ou autre, est-ce Ouais, que puis que tu quelque chose puisses de résoudre? la résoudre par tes propres efforts et non pas parce que le Voilà. MJ a dit à l'avance que ce serait un scénario bisounours que tu allais forcément gagner, quoi. Voilà. Ouais. C'est Donc ça. avec une réelle difficulté, mais pas non plus des murs invisibles. Les goulots d'étranglement dans les scénarios, mais je les capte à 10 000 quoi à chaque fois. Et ça me fait chier. Je me dis, on aurait très bien pu faire autrement quoi. Il n'y avait pas besoin que ce truc soit scripté à ce point dans le scénario. Enfin Ah bon. ouais. Mais du coup, alors je vais permettre un petit récap sur sur la question. Alors je parle sous ton contrôle, bien sûr. Mais là, on s'est pas mal éloigné du D'après sujet. ce que tu m'as dit, j'ai le sentiment que pour qu'un jeu profond ait quand même un contrat social, un contrat de table clair, enfin, c'est-à-dire qu'on sache à quoi on joue, il faut soit une assise de scénario officiel qui soit cohérente, ou alors, si on laisse le MJ faire ses propres scénarios, il ne faut pas le laisser faire n'importe quel type de scénario, il faut lui donner quand même une direction artistique, quoi, entre guillemets. En tout cas, ouais, ça joue. Après, est-ce que ce sera respecté? Ça, bon, c'est une autre question. Mais sinon, si on regarde que ce soit Donjons Dragons 3.5, Shadowrun, ce sont des jeux qui ont quand même une direction assez précise. On pourrait dire qu'ils portent une proposition créative vanilla. Mais par contre, le fait que le scénario soit aux mains du MJ. Rien n'empêche qu'ils partent dans des directions qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai vu des parties et des campagnes de Donjons et Dragons 3.5 qui allaient dans du drama, qui allaient dans. C'est. Et je pense que beaucoup de gens ont vu ça, ou alors des intrigues de cour, mais du coup qui partaient vraiment dans de l'enquête un peu. Ouais, enfin, dans. J'ai le sentiment que Shadowrun est un tout petit peu plus resserré que Donjons et Dragons 3.5. Ouais, c'est possible. Parce que Donjons et Dragons 3.5, il y a un moment, je pense qu'il y a eu cet objectif de vouloir jouer toutes les fantaisies possibles, quoi. Et donc, du coup, enfin, pour moi, la malléabilité, ça faisait vraiment partie du. Je pense que c'était voulu avec la 3.5 qu'on puisse à la fois faire de l'intrigue de cour, du drama, de l'enquête, de la Du baston. donjon pur. Voilà. Ouais. Shadowrun me semble, en tout cas jusqu'à la 4, je me suis arrêté à la 4. C'est quand même très axé jeu à mission, quoi, avec un côté du coup très ludiste. Donc ça me semble beaucoup plus resserré. Les boulons sont quand même pas mal plus resserrés, quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant de se dire à quel point, avec, enfin moi, toutes mes parties de Shadowrun, bon, je sais pas, j'avais 14 ans, hein, mais toutes mes parties de Shadowrun, le scénario était exactement le même, quoi. Et c'est assez marrant de se dire que les jeux spécialisés, on leur reproche justement de figer un peu la structure de l'histoire, alors que ben, y a beaucoup de jeux classiques qui sont déjà comme ça. Ouais, bah typiquement le modèle par exemple de l'exploration de donjon qu'on va retrouver dans Shadowrun parce que c'est quand même un peu ça quoi. Ouais. Et puis avec le twist final du commanditaire qui est en fait le traître. Bon, voilà, c'est un peu parodique, mais moi, c'était vraiment comme ça, quoi. Donc. Bah, d'ailleurs, si on prend des jeux avec une culture vraiment pour le coup pervers, un jeu comme The Sprawl, Ouais. c'est carrément dans justement le contrat social au départ. Il explique, voilà, si vous aimez jouer des missions et vous faire doubler de temps en temps par votre commanditaire, vous allez aimer jouer à The Sprawl. Pour le coup, il n'essaye plus de. Dans Shadowrun, c'est pas annoncé d'emblée que le Johnson va essayer de doubler une fois sur deux. Et bah, The Sprawl essaye, en fait, on pourrait dire que The Sprawl essaye Il rend ça transparent. Ouais, c'est ça. En fait, on sent que c'est vraiment du Shadowrun passé à la moulinette Forgen, où les choses sont transparentes et sont systématisées et tout, et où le MJ, il va avoir quand même beaucoup plus de mal à sortir des rails aussi en termes d'ambiance, de scénarisation. Il est quand même. Les choses sont beaucoup plus mécanisées, quoi. Ouais. Bon, je pense que cette question, on a à peu près fait le tour. Ouais. Enfin, je pourrais m'étendre, mais bon, allez, passons à la 8. Ça roule, très bien. Alors, on a commencé à aborder ça et la question c'était est-ce que tu t'intéresses, parce qu'on a parlé de choses super progressistes, la forge, tout ça, Ouais. machin, en opposition entre guillemets, au jeu de rôle classique, et du coup, on va aller un peu du côté des vieux singes à qui on n'apprend pas à faire des grimaces. Et donc, je voulais savoir si tu t'intéressais à l'old school Renaissance. Alors, juste pour les auditeurs, je vais très rapidement résumer ce que c'est. Pour faire simple, c'est les jeux inspirés de Donjons et Dragons première édition. Donc avec des jeux avec un MJ, essentiellement maître fan, mais c'est pas obligé. Des scénarios bac à sable, voire des donjons. Et puis l'absence de compétences, t'as que des caracs, t'as pas de compétences, ce qui fait que la plupart des situations tactiques vont être résolues entre guillemets avec l'arbitrage du MJ, quoi. Il faut convaincre le MJ que la solution qu'on veut adopter est la bonne pour qu'il nous laisse réussir l'épreuve. Eh bien, écoute, la réponse c'est oui. On m'avait conseillé d'abord la lecture de A Red and Pleasant Land de Zack Smith, donc un jeu qui est un peu à cheval entre Dracula, Alice au Pays des Merveilles, et avec des personnages inspirés de, avec un personnage inspiré d'Elizabeth Bathory, et enfin bref. Et alors j'ai apprécié beaucoup de choses à la lecture d'ailleurs de ce bouquin, mais par contre, alors c'est pas vraiment un jeu en soi vu que c'est un supplément pour Lamentations of the Flame Princess, mais enfin je dis ça pour les auditeurs parce que j'imagine que tu es déjà au courant de tout ça. Et alors y a déjà beaucoup de choses créatives, enfin en termes de créativité qui m'ont qui m'ont happé à la lecture de ce bouquin. Et par contre, je me sentais bien incapable de le faire jouer. C'est un peu, on va dire, c'est un peu un sentiment récurrent que j'ai par rapport à l'OSR. C'est qu'en fait, ben, j'ai quand même une expérience de l'œil noir, Advanced Dungeons and Dragons. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais aussi des jeux d'exploration de donjons comme Terre de Légende. C'est un jeu de rôle qui a été écrit à partir des livres dont vous êtes le héros. D'accord. D'une série de livres dont vous êtes le héros. Donc, en fait, ils ont mis tout leur bestiaire, etc., dans un bouquin. Et voilà, j'ai fait jouer, et ça m'est arrivé pas mal de fois de faire jouer des donjons. Et en fait, il y a un moment où je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient nulles. Les successions de salles, certains pièges mal gaulés, enfin, des trucs où je me sentais pas très à l'aise avec le fait de en tant que MJ ou en tant que joueur de jouer comme ça, quoi. Et j'ai eu l'occasion de jouer à 2 jeux et demi estampillés OSR. Le premier, c'est Robusta Robots. C'est un hack de Macchiato Monsters d'Eric Nieudan, fait par Guillaume Janté. D'accord. C'est une partie très sympa, quoi, vraiment, d'exploration de planètes en mode un peu Star Trek, quoi. Et Félix KF m'a fait jouer à Veins of the Earth, que j'ai beaucoup apprécié, avec la mécanique de Into the Odd. Et puis après, alors le troisième, voilà, je ne sais pas trop si c'est un OSR ou pas un OSR, mais j'ai eu l'occasion de faire une partie de Mantoid Universe, de Batronoban, qui m'attire pour beaucoup de raisons, et notre partie n'a pas été très satisfaisante par contre. Et pour, je pense, j'ai repéré des trucs dans le game design du jeu lui-même qui me semble, enfin, maintenant que je les compare à Into the Odd, par exemple, je comprends un peu pourquoi ça a un peu grippé pendant notre partie. Par exemple, dans Into the Odd, quand tu as un objet, ben, tu sais facilement comment t'en servir, quoi. Une pointe de, une lame de couteau sans manche, par exemple. Tu sais, comme tu es enfermé dans des cavernes, tu sais pas ce que tu fais là, ben, et que la survie joue un rôle prépondérant, ben, tu sais, voilà, dès que tu vas avoir quelque chose à couper, tu sais que tu vas pouvoir essayer d'utiliser ta lame de couteau. Alors que dans Mantoid, par exemple, ben, j'avais un Zazamon qui était une espèce de tube avec des dents et qui avait la capacité de se... je sais même plus trop comment expliquer ça, mais bon, bref. Et donc, des trucs beaucoup plus gonzo, quoi, déjà. Voilà, et beaucoup moins pratique, en fait. Donc, quand je m'en servais dans le combat, c'était un peu surréaliste, quoi. Il bouffait la terre en creusant pour essayer de bouffer les jambes des gens et tout. Alors, c'était fun, mais j'avais vraiment l'impression de prendre une part du partage de narration qui n'était pas la mienne, en fait. Ouais, parce que tu vas convaincre le MJ que la potentialité de ton outil est... Enfin, la différence entre l'objet dans Into the Odd, là, qui est un couteau sans manche, c'est que on peut facilement inférer les usages, quoi. Enfin, en tout cas, c'est... tandis que le Zazamon mangeur de terre, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu veux optimiser un peu, tu vas essayer de convaincre le MJ que ça peut faire 36 choses différentes. Ouais. Et donc, du coup, tu n'es pas du tout dans le même rapport avec le MJ. Et je pense qu'à mon avis, à ce stade, le jeu esthétique prend un peu le pas sur le jeu tactique, quoi. Voilà, c'est possible. Bon, après, ce n'est pas que moi. Les trois personnes avec qui je jouais à un moment ont décidé d'arrêter assez rapidement la partie de Montoïde, mais je pense et voilà, en fait, bon, je pense que voilà, après c'est aussi une question de comment appréhender le jeu. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des parties excellentes de Montoïde. La nôtre, c'est à gripper, quoi, un peu, c'est enrayé, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire des trucs super avec le jeu, je pense. Alors, bon, voilà, Vines of the Earth, pour moi, ça a été une super partie parce que eh ben le donjon qu'a créé KF, le MJ, je l'ai trouvé très bien développé dans le sens où chaque salle, chaque couloir, etc., chaque fois qu'on découvrait des choses, on sentait qu'il n'y avait pas une chose à faire, mais on pouvait en faire 15, 100. C'était à chaque fois riche de potentiel, enfin riche en potentiel, et qu'on n'était jamais voilà, tenu d'affronter les trois orques qui jouent au dé dans une salle, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, il y a du coup vraiment dans un esprit bac à sable avec y a pas de goulot d'étranglement, de solution unique. Mais j'ai l'impression aussi que il y a deux écoles dans l'OSR. Mon Veins of the Earth, je l'ai pas lu, mais j'ai un peu parcouru, puis on m'a expliqué comment ça fonctionnait. Mais on sent quand même que le game design aide beaucoup le MJ, c'est-à-dire que c'est très complet, quoi. Tous les équipements qu'on peut trouver, t'as une liste. Il y a une table qui me fait beaucoup rire, c'est la table où il y a 20 types de lanternes différentes. Alors, ça, c'est pas déconnant, parce que c'est un jeu qui se passe dans des grottes, il fait tout le temps Ouais, et puis il y a tout. sculpter. Je crois qu'il y a 20 types de ténèbres différentes aussi dans la Voilà, table d'aléatoire. c'est ça. C'est qu'il y a une espèce de métaphysique autour de la lumière et de l'ombre dans le jeu, donc ouais. Voilà. Et puis, tu as des techniques pour construire tes grottes. Vraiment, j'ai l'impression que le jeu aide vraiment beaucoup le MJ à construire quelque chose, quoi. Et qu'en fait, l'économie a été pensée dans le jeu. L'écologie du donjon, tout ça, c'est vraiment pensé dans le manuel. Et c'est pas au MJ de construire ça. Tandis que si tu prends un autre jeu tout aussi OSR tel que Dragon de Poche, ou des jeux très minimalistes comme le Black Hack, bon, le Black Hack, c'est pire que tout. Le Black Hack, t'as un système de résolution, un bestiaire et zou, quoi. Tu te débrouilles pour construire tes aventures, quoi. Et donc là, c'est vraiment laissé à la totale qualité du MJ, si on veut, quoi. Et donc, on voit quand même que c'est des écoles très, très différentes. Et on pourrait dire que Veins of the Earth, il est presque forgien, quand même, comme jeu d'OSR, quoi. Moi, je trouve pas tant de différence que ça entre on va dire une certaine production forgienne et l'OSR. Alors, j'ai l'impression que l'OSR se prête très bien à, enfin, pour les jeux ont souvent plutôt une proposition ludiste vanilla. Vanilla parce que y a la mécanique en elle-même, même si elle crée de l'attrition, même si elle crée des. En réalité, elle repose beaucoup sur la capacité du MJ à juger les propositions des joueurs. Et donc, les joueurs ont souvent besoin de se montrer malins pour réussir à convaincre le MJ. Ouais, y a pas de règles opposables pour trancher les conflits, c'est vraiment Voilà. laissé à l'interprétation. Et en fait. Quand c'est l'intelligence du joueur qui est mise à l'épreuve, enfin, on est immédiatement dans le ludisme. Par contre, comme c'est la mécanique elle-même ne porte pas forcément des enjeux tactiques, par exemple, ou assez peu dans les jeux que moi j'ai eu l'occasion de jouer. Hein. Après, je suis loin d'avoir fait le tour de ce qui était possible en OSR, j'en suis conscient. Donc, je ne dis pas que c'est que je. Oui, en fait, je suis plutôt mal placé pour essayer de définir ce qu'est l'OSR ou surtout Bah, qu'il y a si on beaucoup prend des de. D1, la mécanique c'est à peine plus qu'un système de résolution de combat et puis des capacités attribuées par tes sorts, quoi. Donc c'est vrai que la proposition tactique elle n'est pas lourdement soutenue par ça. C'est arrivé plus tard, je pense, avec quand on va dire le principe d'écologie du donjon a émergé donc dans le courant des années 70. Hein, quand D&D 1 sort, il n'y a même pas de donjon publié, quoi. Donc finalement, on a juste une mécanique de résolution. Et moi, j'ai fait. Tu peux faire du drama avec les règles de D&D 1, rien ne te l'empêche. Hein, Bah, bien sûr, mais c'est pour ça que c'est ce que signifie Vanilla en fait. C'est que le jeu a une proposition de base, mais comme la mécanique est plutôt indifférente à cette proposition, ben, en réalité, c'est pas difficile du tout de l'orienter vers autre chose. Ouais. Et donc, d'en faire du jeu esthétique. Alors, le jeu moral, j'ai quand même l'impression qu'il faut se lever tôt, hein, avec un jeu comme Vines of the Earth, même si, j'imagine que qu'une scène dramatique au milieu, ce serait pas difficile à amener, à condition que les joueurs parviennent à se comprendre. Mais donc, ouais, moi c'est comme ça que je le vois. Alors après, j'ai lu aussi le manifeste de Finch et le Principia Apocrypha. Oui. Et clairement, ça corrobore c'est comme ça que j'en suis venu à cette idée de ludisme vanilla. Parce que tout ce qu'ils disent dedans corrobore un peu ça. Tu vois, comme je te disais, notamment la négociation entre joueurs et MJ. Tout à fait. Ouais. Elle est typiquement ludiste. En fait, souvent, on pense au ludisme comme un jeu d'échecs, alors qu'en réalité, un jeu qui soutient une proposition ludiste peut très bien être une compétition créative dans la fiction, avec quelqu'un qui va juger, par exemple. Voilà, donc moi c'est... Ouais, bah le ludisme comme jeu d'échecs, c'est plutôt Donjons et Dragons 3.5 où on a essayé de tout mécaniser pour justement laisser le moins possible de marge d'interprétation et de négociation, quoi. Ouais. Et ça se ressent vachement dans la façon dont les gros joueurs de Donjons et Dragons 3.5 se réfèrent aux règles. Souvent, il y a un podcast de La Cellule où Benjamin... Darky, pardon, présente des conversations autour de Donjons et Dragons, alors je sais pas si c'est le 3.5 ou le 5 d'ailleurs, peut-être un peu les deux d'ailleurs, avec des questions hyper pointues sur les règles, quoi, comme le PJ tombe dans un puits rempli de potions de guérison, est-ce qu'il meurt ? Oui, en effet, oui. Et c'est assez drôle parce que du coup... On essaye de trouver les réponses dans le manuel de règles, en fait. Exactement. Tandis que finalement, la différence fondamentale, c'est que l'OSR, dans l'OSR, c'est le MJ qui va trancher. Trancher, éventuellement, il peut écouter les arguments des joueuses. Oui, voilà. Oui. Mais la réponse n'est pas dans le manuel de règles. Ouais. Un truc par rapport à mes... quelques parties d'OSR, quoi, mais quelques... c'est que il y a du fait que le MJ, du coup, juge et tranche beaucoup de choses. Moi, souvent, j'ai beaucoup de mal avec l'impression d'être soumis à l'arbitraire du MJ. Parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences autour de ça, de situations qui me paraissaient complètement injustes, de voir mourir mon personnage sur des voilà. Mais souvent, en fait, je pense que ces sentiments d'injustice étaient exacerbés par le fait que je me rendais toujours compte que c'était parce que le MJ avait un scénar. Et que donc il fallait qu'il mène son scénar au bout, et donc mes décisions étaient parfois, ma capacité à accomplir quelque chose était niée au profit de l'évolution du scénario. Ouais, tout à fait. Et dans l'OSR déjà il n'y a pas de scénario, donc ça c'est déjà mieux. Et en plus dans un jeu comme Vines of the Earth, le jeu est cruel, voilà, d'emblée on le sait. On est là, on sait qu'on a une espérance de vie assez courte. S'il faut refaire un personnage, ça va prendre 10 minutes avec la mécanique d'Into the Hot qu'on a utilisée. Parce qu'avec Lamentations of the Flame Princess, je ne sais pas si c'est le cas. Oh, ça ne va pas être beaucoup plus long. Hein. Ouais. Et donc, j'ai quand même nettement mieux supporté cette dimension arbitraire, ou en tout cas de jugement. Cette dimension de jugement du MJ sur la qualité de mes propositions me semblait moins arbitraire, mais quand même un peu. Donc voilà, c'est un peu... Parce qu'elle l'est, hein, de fait. Bah oui, c'est ça, elle ne peut pas être autrement, vu que juger la fiction, c'est juger une infinité. Mais c'est vrai que le fait, si le MJ, enfin, tu dis que le MJ ne propose pas de scénario, j'ai tendance à dire que des fois, s'il y a des scénarios, mais c'est des scénarios bac à sable, ce n'est pas des scénarios linéaires. Bah là, il y avait un donjon. Voilà, un donjon, ouais. Mais Ouais. enfin, je Il n'y dirais, avait donc du pas la coup. finalité de découvrir le twist final prévu par le Ouais, MJ. c'est ça. Mais j'ai le sentiment qu'au gré de tes publications, tu as souvent tendance à dire scénario pour désigner les scénarios linéaires. Ouais, disons Et qu'un bac alors à sable. qu'un Jérôme Larrey, par exemple, un bac à sable, il va appeler ça aussi un scénario. Ouais. Alors moi, c'est un bac à sable, quand il est écrit avec une finalité, comme une enquête, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, admettons, dans le tiroir du meuble de la loge du garde-chasse, Ouais, bien sûr. il y a tel indice, etc. Ben, tu peux avoir ça dans un bac à sable aussi. Ouais, mais Mais il y a là, une pour moi, finalité, ça il faut reste. savoir qui a tué le colonel Moutarde, quoi. Oui. Voilà. Il y a quand même du but, ouais. Et pour moi, ça reste scénarisé, dans le sens Tandis où qu'un donjon, il n'y a pas de finalité. il peut y en avoir aussi, mais dans celui de Veins of the Earth, écrit par Félix, clairement, c'était pas grave si on arrêtait la partie en ayant découvert 30% du donjon. Ouais, tout à fait. Et C'est un environnement plus que. ça déjà, ça changeait considérablement notre rapport au jeu, en fait, tout simplement. Parce Oui, et que puis le ça voulait MJ n'a dire pas que. besoin de protéger les intérêts de son scénario, entre guillemets, quoi. Exactement, exactement. J'aime bien le présenter comme ça. Et ouais, donc en fait, je dirais que pour le moment, l'OSR, donc ça me séduit. Ça me séduit et en plus, je le vois un peu comme. Alors pour moi, il n'y a pas de guerre entre. Enfin, il n'y a pas lieu d'avoir une guerre entre OSR et jeu système d'Oz Matter ou The Forge, etc. Parce que je trouve que le système est important dans l'OSR, bien que ce soit au MJ d'interpréter la cohérence des règles et tout ça. Et puis en même temps, avec un système comme Into the Odd, je vois pas trop ce qu'il a à modifier dans la mécanique en cours de partie, hein. Franchement, ça me semble assez solide et assez malléable pour couvrir à peu près toutes les situations pertinentes, quoi. Je me trompe peut-être, hein, j'ai jamais maîtrisé Into the Odd, mais dans la partie qu'on a jouée, ça me semblait très efficace et très simple. Donc voilà, le seul truc qui me freine pour le moment, c'est que je n'ai pas l'impression d'avoir encore suffisamment accès à la culture de jeu OSR pour pouvoir être un MJ efficace. Ouais, clairement. Ouais. Donc j'ai lu des C'est trucs, sûr hein. que je pense que si tu prends deux, trois jeux OSR, si t'as pas lu la blogosphère derrière, c'est compliqué, quoi. Ouais, ben j'ai lu Soulfire du Grumpf. Et vraiment, ça m'a fait très envie de mener le jeu. Et bon, ben, pour le moment, il est sur mon disque dur en attendant le jour où je me sentirai de lancer une partie. Mais Et je en pense fait, qu'un jeu comme Veins of the Earth fait déjà beaucoup plus explicatif sur comment procéder, quoi. ouais. J'ai Ou commencé Retrait, à par exemple, l'écrire. du Grumpf aussi, ouais. Ouais, bah oui, sans doute. En plus, bon, enfin, Soulfire, en plus, c'est un jeu qui a été développé pendant le Game Chef. Donc, Ouais, c'est un mini-jeu, ouais. voilà, il fait 12 pages, je crois, sur sa dernière version. Écrit gros. Et d'ailleurs, on peut expliquer le concept rapidement. On joue des squelettes qui reviennent à la vie. Oups, pardon. Qui reviennent à la vie. Car la menace qui a détruit leur peuple est de retour et ils veulent sauver l'humanité actuelle de cette menace. Mais le problème, c'est que comme ce sont des revenants, et ben les humains ont peur d'eux et donc les rejettent. Et déjà en soi, ce pitch, je trouve extraordinaire. Ouais, tout à fait. Très très riche en possibilités. Et donc voilà. Ah oui, un truc important, je pense, c'est que du coup, il y a cette culture ludique dans l'OSR qui permet donc par des échanges sur Internet des billets, des manifestes comme celui de Finch ou le Principia Apocrypha, je ne sais pas si je le dis bien. Apocryphia, ouais. Ouais. Qui donne des clés. Je sais aussi que James Raggi a écrit un texte de conseil OMJ pour Lamentations of the Flame Princess. Je l'ai quelque part, mais j'ai pas encore commencé la lecture. Donc, il y a des ressources et du matériel. Et en fait, je me rends compte que avec Demiurge, par exemple, et même avec Prosopopée, j'essaie d'inclure les éléments, souvent des axiomes, mais parfois aussi des explications un peu plus précises sur la culture de chaque jeu dans le texte du bouquin. Je pense que concernant l'OSR, c'est vraiment compliqué. Enfin, pour bosser sur de l'OSR en ce moment, pour faire un vrai jeu où tu donnes toutes les bases, c'est-à-dire que la personne, elle n'a pas besoin d'aller lire la blogosphère pour savoir comment on maîtrise OSR. Et il faut vraiment rentrer dans le détail. Parce que, bon, si on prend un jeu OSR assez fondateur comme Sword and Wizardry de Matt Finch, tu lis le jeu, honnêtement, tu sais pas comment créer un donjon, hein. T'es laissé complètement. Enfin voilà, il y a les quatre principes, mais si t'es en tongs, hein. Donc, je pense qu'il y a une vague OSR qui va arriver, qui va être vraiment intéressante. Je pense qu'elle existe déjà, hein, il y a certains titres, et je pense notamment à Veins of the Earth, Mordheim aussi, de Zach Smith, qui vont intégrer en fait justement les conseils, qui vont les intégrer dans les livres, pour que ce soit plus accessible à des personnes qui sont béotiennes de cette culture-là, quoi. Moi c'est un truc. Alors après, pour quelqu'un qui est à fond dans l'OSR, qui joue que OSR, en effet, il n'a pas besoin que chaque bouquin lui dise comment maîtriser, comment créer un donjon. Mais Bien sûr. après, pour moi, et je pense que c'est pareil pour Fabien, par exemple, on a vraiment une beaucoup beaucoup de, enfin, on s'intéresse énormément à la transmission. Donc, transmission des expériences par nos jeux, mais aussi par nos articles, par les participations de Fabien à la cellule, etc., certes. Mais justement, ce qui nous importe beaucoup, c'est de pouvoir cristalliser des expériences spécifiques. Alors bien sûr, si notre expérience de jeu préférée, c'est de jouer à l'appel de Cthulhu. En mode participationniste, je pense qu'on aurait beaucoup moins cette envie de transmettre des expériences, tu vois. Bah, disons que du coup le livre, enfin, c'est déjà transmis d'une certaine façon puisque ça existe déjà, quoi. Et c'est déjà documenté. Enfin, si tu veux faire de l'appel toujours participationniste, il y a les conseils de jeu dans le bouquin pour le faire, quoi. Ça existe déjà, quoi. Oui, et puis le scénario en lui-même comporte suffisamment de choses. Souvent, en fait. Le scénario, en fait, en jeu de rôle tradit, la structure du jeu, c'est le scénario. C'est-à-dire que nous, on s'emmerde à concevoir des structures de jeu en potentialité, donc qui respectent la liberté de décision du joueur au maximum. Mais quand tu as un scénario, tu as une structure. C'est l'élément prépondérant du système de la majorité des pratiques classiques, en fait. C'est ça, bah, c'est une structure entre guillemets qui relève soit de l'escape game, soit de la dramaturgie, selon les écoles, quoi. Là où moi je ne suis pas satisfait avec ça, c'est que même quand aujourd'hui j'essaie d'écrire un scénario participationniste, j'ai l'impression que je fais encore beaucoup de conneries à l'écriture. Et que quand je le fais jouer, à chaque fois je me facepalme en partie en me disant, mais pourquoi j'ai décidé qu'il devait aller là, et ils s'en sont pas rendu compte, il faut. Et en fait, ça m'énerve de passer, enfin, d'accorder autant d'énergie de jeu à ça, quand je suis MJ en tout cas. Par exemple, Sens de Romaric, c'est un jeu que j'adore pour beaucoup de raisons, mais ça me met trop en difficulté de devoir gérer les goulots d'étranglement enfin, scénaristique pendant la partie pour pouvoir me lancer en tant que MJ. C'est vraiment quelque chose qui me pose problème parce que j'ai passé beaucoup trop de temps, je trouve, en tant que MJ, à me consacrer à ça, alors que quand tu as des méthodes de préparation de partie qui sont, on va dire, un peu plus construites à l'avance, enfin, je pense au Canva, bien sûr, à la méthode de préparation de ville de Dogs, etc. Et ben, en fait, moi, je trouve ça libérateur. Les méthodes de préparation en situation initiale, quoi, pour le public, c'est-à-dire qui ne prévoit que des choses qui sont vraies avant que les PJ arrivent dans le lieu, avant que la partie commence, quoi. Mais c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup de mal à revenir à mes anciennes pratiques de MJ. Parce que je ne vois que les défauts, en fait, de ma préparation, Un exemple, une des dernières campagnes avec scénario de Demiurge, j'ai commencé avec un scénario très très ouvert. Donc je l'ai conçu comme un scénario, hein, mais je n'avais aucune. Enfin, je ne prévoyais pas comment ça, les choses devaient tourner, ce que devaient faire les joueurs pour pouvoir passer à la suite, etc. C'était très très ouvert. J'ai tenu un scénario qui pouvait se jouer sur plusieurs parties comme ça. Et puis après, comme il fallait de nouveaux enjeux, j'ai commencé à dire il faut trouver tel objet qui se trouve dans tel endroit. De suite. Cette grande liberté du début s'est effondrée. Les joueurs devaient aller à l'endroit qui était prévu. Ouais, déjà quand on bascule dans du jeu à mission, ouais. Justement, oui, en plus, c'était un scénario à mission au départ. Mais à mission, mais très libre d'interaction quand même. Et quand je suis retombé dans ce travers-là, en fait, notre campagne s'est cassée la gueule. Parce que les joueurs avaient pris goût à aller dans la direction qu'ils voulaient. Et puis là, du coup, ce n'était plus le cas. Ils se sont sentis de nouveau un peu pris en étau, quoi, un peu par le scénario lui-même. Et sur le coup, je me suis auto-facepalmé quand je me suis dit, eh merde, t'es retombé dans le même piège que d'habitude. Et c'est assez terrible, hein, Alors, ça ne veut pas dire que. Je parlais par exemple de ma campagne Harry Potter, et je suis sûr qu'il y a des choses intéressantes à faire avec des scénarios participationnistes, en s'extrayant de toute forme de dirigisme. Mais voilà, ça va être une gageure de réussir à écrire, à réécrire ma campagne comme ça. Bah, notamment, je pense qu'il y a des questions de contrat de table aussi, parce que un jeu comme Sens, qui est très participationniste, j'ai tendance à penser que ça fonctionne qu'avec un profil de joueuse particulier, ou alors il faut expliquer dès le départ qu'il va y avoir des cinématiques, il va y avoir des checkpoints, et de demander aux joueuses de bien vouloir accepter ça, de bien vouloir perdre un peu d'agentivité pour atteindre une certaine expérience de jeu, quoi. Bah oui, c'est le principe du participationnisme, en effet, c'est ça, c'est de dire. Alors, ça ne veut pas dire les joueurs doivent suivre tout le temps ce que dit le MJ, etc. Ça veut dire il y a des moments où le MJ a prévu le destin des personnages, quoi. Ça fait. Et après, le reste du temps, souvent, je pense que. Voilà, pour moi, la base, la moindre des choses, c'est que les joueurs aient le choix des moyens de résolution des enjeux. Ouais, puis c'est un peu ce que tu appelais le scénario en chapelet là, dans ton article sur les schémas d'évolutivité narrative. C'est typiquement ça, quoi. On accepte qu'il y a des moments, il y a des goulots d'étranglement, mais c'est entre guillemets, bah, pour le bien de l'histoire. C'est pas pour nuire à la table. Et puis il y a Mais des il coups faut, je pense que d'étranglement. ça marche mieux, je pense, si les joueuses sont informées, soit si elles sont dans un profil. Qui accepte ça, quoi. Et puis il y a des goulots d'étranglement qui passent mieux que d'autres. Tu vois, on parlait justement dans Harry Potter. Vous êtes en cours de potion après une ellipse temporelle. Tu vois, c'est quelque chose qui peut beaucoup mieux, enfin qui est beaucoup plus facile à faire accepter que que de dire vous devez aller là. Ouais, où tu avais fait un article pour un magazine où tu disais, par exemple, ce qui passe bien, c'est Le maraudeur. Peut-être bien maraudeur, ouais. Un événement type, il y a un tremblement de terre. Bon, bah, de toute façon, on peut partir du principe que les PJ n'étaient pas en mesure de l'empêcher, quoi. Donc, c'est un événement qui est prévu par le MJ, mais il n'y a pas vraiment y a pas rupture de la gentilité des joueuses, quoi. Voilà. À mon avis, c'est un numéro de funambule d'y arriver. Mais je crois qu'on s'est beaucoup éloigné de l'OSR. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à l'OSR ou est-ce qu'on peut passer à la dernière question ? Eh bien. Non, mais je pense que, ouais, voilà, pour moi, les trucs. En fait, si j'ai apprécié mes parties, je pense, voilà, c'est parce que j'avais de l'empowerment ou de la gentilité. Mm-hmm. Je pouvais vraiment. Mes décisions comptaient vraiment. Quitte à me foutre dans une merde noire ou à buter mon personnage sur un jet de dés foiré. Ce qui, du coup, et l'exercice de faire des propositions au MJ en essayant d'être pertinent, d'être malin, quoi. Je trouve que ça marche bien avec toujours voilà, ce côté jusqu'à quand le jugement du MJ est trop arbitraire pour moi. Et après, la question de la culture de jeu, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Les trucs, on peut se demander à quel point ça peut pas être des pistes, d'ailleurs, dans tes réflexions, dans tes projets ludistes. Même si je suppose qu'un OSR pur, ça va pas être des. On peut pas parler de vide fertile à proprement parler, mais il y a sans doute des choses à récupérer, quoi. En tout cas, il y a une dynamique créative, malgré tout. Mmh. Même si elle est quand même pas mal entre joueurs et MJ. Ce qui fait que c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression en effet que pour du vide fertile, il faudrait. Comment remettre ça en systémique, ouais. Mmh. Ouais, voilà. Je sais pas trop si c'est possible. Je voulais tester Agon de John Harper pour voir, parce que du coup, c'est du ludisme forgien. Et donc, peut-être qu'il y a un côté pervy, peut-être pas. Je sais pas trop encore. Je sais pas. J'ai un peu peur que c'est juste un jeu où on lance les dés, en fait. Ouais, ben, c'est aussi une crainte. C'est la grosse difficulté avec les propositions ludistes, c'est que si tu ne formalises pas assez, c'est souvent. Il y a souvent. La compétition, elle est molle. À moins que ce soit avec des choses très pragmatiques, comme dans Vines of the Earth, où tu dois réussir à trouver de la bouffe, tu dois trouver un moyen pour escalader un truc trop pentu, ou tu trouves un autre chemin. Mais donc en utilisant des éléments de ton équipement, ou en récupérant des trucs qui se trouvent dans la grotte, etc. Donc c'est très pragmatique. Donc je pense qu'en effet, le jugement du MJ est un peu moins problématique. Bah, surtout si on a un donjon très écrit, en fait. Ouais. Si le donjon est très écrit, le jugement du MJ diminue. C'est pas faux, ouais. Et c'est vrai. Après, ça reste un truc auquel les joueurs n'ont pas tellement accès. Mais bon, enfin, il y a l'asymétrie qui reste forte, quoi. Si le donjon est très écrit. Encore qu'il y a des démarches telles que Into the Wood. Quand tu rentres dans une pièce, le MJ est censé te dire il y a un piège. Et en fait, ton astuce va pas être sur comment tu résous le piège, comment tu repères le piège, mais comment tu gères le piège, en fait. Ah ouais. Tout comme le jeu te dit il y a un passage secret ou c'est alors là pour le coup c'est je trouve assez hors norme dans l'OSR et ça il y a une bascule totale dans l'approche tactique en fait à partir de ce moment-là, quoi. Ah ouais, je comprends. C'est super intéressant. Merde, j'ai perdu le fil. Ah oui, c'est ça. Et donc, entre ne pas formaliser assez. Après, bon, l'OSR, je dis pas que c'est pas assez formalisé, mais du coup, si on veut vraiment chercher le pervy, la question se pose, quoi. C'est-à-dire, le ludisme pervy, la question se pose. Donc, et si on formalise trop, à partir de ce moment-là, tous les choix étant inclus dans les règles, ben, on se retrouve avec des jeux. On passe le temps dans les mécaniques et dans les dés. Un peu sans doute, j'ai l'impression que c'est ce qui est reproché à Donjons & Dragons 4. Et, ouais, 3.5 et où, aussi. La fiction n'existe plus, quoi. Oui, puis il y a aussi le syndrome où et je pense que y a peut-être ça dans Agon de John Harper, le jeu joue à ta place. Parce que techniquement, dans Agon de John Harper, si j'ai bien compris, la mécanique de base, c'est que tu as une liste de compétences et en fait, face à un problème donné, tu peux utiliser n'importe laquelle de tes compétences du moment que tu arrives à justifier, quoi. Mais du coup, en fait, tu vas systématiquement essayer d'utiliser la compétence la plus forte, toi. Et si ta compétence c'est graver la pierre, tu vas t'en servir pour séduire quelqu'un, tu vas t'en servir pour combattre un monstre, parce que tu vas bien réussir à trouver. Dès que tu as un peu de bagou, tu vas pouvoir placer ta compétence forte à tous les coups. Et donc, résultat des courses, finalement, c'est juste un jeu où tu lances les dés pour voir si tu réussis, quoi. Ouais, ben j'espère qu'il y a plus que ça. Oui, je fais peut-être un peu une caricature abusive du jeu, là. Ouais. Mais c'est un peu. En fait, sur les quelques tentatives dont j'ai entendu parler sur The Forge de jeux ludistes, enfin les quelques tentatives, celles, oui, les quelques dont j'ai entendu parler, entre Agon, Elves de Ron Edwards et Donjon de Clinton Henningsen, déjà de base, il y a une réduction un peu malheureuse du jeu à des épreuves, à des successions d'épreuves. Alors qu'on a besoin de positionnement, on a besoin de positionnement, quoi. C'est pas, on peut pas juste dire bon, un ben combat, hop, cette fois-ci vous êtes pourchassé, hop, maintenant il faut que les joueurs puissent appréhender la situation, Dans une globalité, ouais. ouais, y réfléchir, choisir comment ils vont l'appréhender, ce qu'ils vont faire, que des nouveaux problèmes puissent survenir, enfin, il faut toujours un peu. Un minimum de souplesse, de malléabilité, de pouvoir juger la fiction. Et peut-être une formalisation un peu excessive. Mais alors là, par contre, trouver l'équilibre entre pouvoir juger des éléments de fiction et pouvoir avoir quand même un peu de choix tactique et tout ça, j'ai l'impression que je vais m'arracher les cheveux sur mes projets Ouais, peut-être qui avoir du côté d'un dirigent comme Dungeon ça. World, par exemple. Ah ouais, Dungeon World, j'ai adoré mon unique partie, mais alors vraiment, quoi, je me suis régalé. Par contre, un de mes potes a eu l'air de beaucoup moins apprécier. Donc c'est peut-être déjà lié à l'archétype que j'ai choisi. J'ai joué à la version française 2 D'accord, ouais. et j'avais un cambrioleur, je crois. Je pense aussi à Blade in the Dark, qui est peut-être une piste à creuser aussi. Ouais, possible. Après, le jeu a l'air un peu lourd, mécaniquement. Donc, je sais pas si je vais m'y pencher tout de suite. Non, mais là, voilà, après, ça se trouve, voilà, après, ça se trouve, le ludisme ne se pose pas vraiment la question du vide fertile, je sais pas. Il y a peut-être, j'avais l'impression que Monostatos avait soulevé quelque chose parce que le jeu, du coup, est très créatif en termes de fiction, je trouve. Enfin, offre beaucoup de créativité aux participants, aux joueurs, notamment en termes de fiction. Et donc je trouvais qu'il y avait quelque chose, même si au final il n'a pas une. Enfin, pour moi, c'est un jeu. Il y a un terme sur The Forge aussi qui est abashed. Alors je sais pas comment ça se prononce. Donc Abashed, qui parle de jeux qui sont quand même sympas à jouer, mais qui sont un peu le cul entre deux chaises en termes de propositions créatives. C'est aussi sans doute un peu le cas d'Innommable. C'est-à-dire que tu peux passer vraiment de très bonnes parties, mais des fois ça coince quand même parce que ben, tu sais pas trop comment remettre les briques ensemble, etc. Et typiquement, le fait que dans Monostatos, on ait des phrases assez directives pour gagner des points de puissance, je sais plus comment on dit, des Ouais, c'est points. ça, ouais. Et ben ça permet de donner beaucoup de place à la fiction pendant qu'on joue, puisqu'on n'est pas tout le temps dans du conflit. Mais est-ce qui crée permet de donc d'avoir un peu déjà des respirations dans le jeu. Et en même temps, ben du coup, c'est trop facile d'en abuser. Ouais, ça devient. Est-ce que ça reste encore le jeu tactique perd au détriment du jeu de description, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, mais j'ai l'impression que le jeu contient un petit quelque chose, quoi, quand même, tu vois, qui permet de recréer de la créativité et de et du dans le dans un cadre ludiste. Enfin, je sais pas, bref, voilà, il y a des pistes quoi. Bah, c'est amusant, je pense que c'est un jeu qui procure le sentiment de fierté tactique, enfin Ouais. le fameux fierro là, le plaisir tactique, Ouais. alors qu'il n'est pas tactique. C'est étonnant en fait. Ouais. Ouais, c'est tout à fait. C'est rien que le fait que les chances de victoire sont un peu déséquilibrées en faveur des joueurs, par exemple. Ouais, mais oui, je pense qu'il y a quelque chose notamment au niveau de l'équilibre des probabilités en termes de jet de dés qui permet ça, ouais, notamment. Ouais. Et puis le fait, enfin, et puis parmi les défauts, il y a du jeu, il y a le fait que quand tu n'as plus ta réserve de dés est à zéro, tu peux plus rien faire en fait. Tu peux plus lancer de dés. Tu ne peux que essayer d'en regagner par des narrations. Moi, ça m'est arrivé en tant que MJ. Et après des scènes excellentes, parce que du coup, j'ai mis le paquet sur les joueurs. Et puis du coup, j'avais plus de dés. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'ils ont gagné? Ou est-ce que je vais essayer de gagner les dés un par un? Mais comme moi, je dois gérer à chaque fois, j'avais trois ou quatre joueurs autour de la table. Ouais, t'étais submergé. Voilà, et du coup, la partie s'est enrayée comme ça. Ça, moi, c'est un truc que je déconseille systématiquement, l'idée qu'à un moment, tu ne puisses plus lancer de dés parce que voilà, tu n'as plus dans ta réserve. Il faut que la réserve, elle soit en soutien, tu vois, que ce... Bah ça, déjà ça pose des problèmes de positionnement quoi. Ben ouais. Ouais, c'est ça, c'est que si tu claques tout, ben, qu'est-ce qui se passe après, quoi? Ouais. Donc pour les joueurs, c'est moins problématique, mais pour le MJ, Il on faut peut dire qu'au que j'ai minimum pas on joué, puisse avoir au moins un dé à lancer, quoi, pas forcément une brouette si on hein. a déjà tout claqué avant, mais il faut Voilà. qu'on ait toujours au moins une capacité d'action, même réduite, ouais. Ouais. C'est vrai. Ouais, ça fait partie des leçons que j'ai retenues de tes articles notamment. Est-ce que on passe à la dernière question? Allez, allons-y. Allez. Donc je t'ai demandé si tu étais intéressé à l'OSR et maintenant on va parler des articles et notamment je voulais savoir si tu suivais les articles produits par des personnes issues des courants alternatifs. Alors je pense notamment aux articles de Valentin T, KF, Eugénie, Macalis, Mathieu B, Félondra. Bon, je fais aussi des articles. Où est-ce que plus globalement tu suis d'autres articles de game design rôliste dans Francophonie Ouais, ben écoute, ouais, en général, je lis des choses comme conseil, des choses qui me tombent sous la main. Je trie hein, pas mal parce que déjà rien que toi, si on veut tout lire, c'est un boulot à temps complet. Donc je trie pas mal, mais ouais, je m'intéresse. Enfin voilà, si je pouvais, je lirais tout. Hein. Clairement, je Après, il y a des choses qui m'intéressent moins que d'autres. Par exemple, désolé, Félondra et Eugénie, mais le théâtre d'impro en jeu de rôle, moi, ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. Ouais, Même c'est si, pas par ton exemple, école. voilà, c'est-à-dire que, ben, souvent, comment dire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une importation de technique ou de position assez méta ou interpersonnelle que je préfère voilà enfin qui peuvent être intéressantes hein. D'ailleurs ben, typiquement les gestes de Felondra c'est ça m'a donné l'idée de faire un truc que je faisais il y a longtemps enfin que j'avais fait il y a longtemps à une table de jeu enfin que j'avais fait qu'on avait fait que le groupe avait inclus c'est-à-dire le fait d'utiliser le symbole temps mort quand on a besoin de sortir de la fiction. Ouais. Ben, j'ai inclus ce geste-là dans les cordes sensibles et c'est en voyant l'article de Felondra sur les gestes, enfin pas les gestes, parce qu'il ne faut pas confondre avec les gestes de... Ouais, les signes gestuels, ouais, pas Voilà, le confondre avec dessiner. le geste. Ouais, je ne l'ai pas cité, Julien, on pourrait aussi l'inclure dans les courants alternatifs, hein, avec notamment le geste rôliste, puis bon, tous les podcasts des voix d'Altaride. J'ai l'impression, en fait, parce que j'ai l'impression que... Les techniques de théâtre d'impro adaptées au jeu de rôle créent une prise de distance en fait. Je sais pas si je sais pas si je suis juste hein, parce que du coup comme ça enfin c'est l'impression que ça me donne. Bah, je pense que c'est vrai en fait. Si on a parlé en tout début, on a parlé du paradigme de la joueuse là, Oui. qui s'opposait un petit peu bah, à ton propre paradigme, si on peut dire les choses comme ça, centré sur la combativité, sur le fait de plaider pour son personnage. C'est de toute façon des écoles de, ouais, c'est des écoles de pensée différentes, hein. Et on est plus sur ce que tu appelles le mot d'auteur, notamment. Oui, en tout cas, oui. Je dis pas qu'il y a, il y a, je C'est pense pas qu'il y a des que points de du mode rencontre. auteur, J'ai peut-être pas réfléchi que beaucoup aux points de rencontre, mais vu de loin, c'est deux scènes opposées, quoi. ouais. Ou en tout cas, ouais, ok. Enfin, ou en tout cas, oui, des ouais, je sais pas, il est peut-être possible, enfin, ça me paraît possible, moi, de pouvoir y jouer comme ça, mais en effet, c'est moins ce que je recherche. Et puis en plus, je comprends la nécessité de l'école. La joueuse est importante, ou les joueuses sont importantes. Parce que, en fait, moi, j'essaie justement de créer une convergence d'attentes et d'intérêts. En spécialisant mes jeux. Donc forcément, j'ai moins besoin de technique pour savoir interpréter les intentions des autres joueurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, ouais. Bah, Ça ne veut pas dire c'est comme que je quand vais pas Julien utiliser. Pouvoir a été reçu à la cellule pour expliquer les gestes rôlistes. Romarek, il disait, ouais, bah, c'est bien, il faut les mettre dans les jeux, en fait. Et en fait, c'est un peu, finalement, je pense tout simplement, on est sur une école qui, pour le moment, défend farouchement le fait de développer des pratiques transversales. Mais c'est évident qu'en tant que game designer, on a tout loisir de s'inspirer de ces pratiques transversales pour les réinjecter dans nos jeux selon nos besoins, quoi. Voilà, comme le geste temps mort que j'ai inclus dans le texte Voilà. des cordes sensibles. Même si je pense qu'au départ, ça n'a pas été prévu pour nous, enfin, ça n'a pas été prévu pour les game designers, ça a été prévu pour les joueuses pour faire des pratiques Exactement. transversales. Et donc, on fait un peu nos courses là-dedans, quoi. On est un peu des pilleurs, quoi. Et oui, eh ben, c'est pour ça que je lis même des articles de Zach Smith, qui paraît aussi opposé par certains aspects à ma à ce que moi je voilà à mon paradigme. Oui, tout à fait. Mais en fait, pas tant que ça. Enfin, ça dépend de quoi. Enfin, bien sûr, Zach Smith, il part toujours en troll. Contre The Forge, contre les sciences humaines, etc. Mais c'est pas pour autant que le fait d'avoir un point de vue comme le sien n'est pas enrichissant pour moi. Bien sûr. Notamment parce que des fois, ça me fait gamberger. Hein. Ton article sur tout jeu de rôle est une trahison, au début, il m'a fait l'effet d'une grosse baffe, quoi. En me disant, oh, putain, il a compris ce qui allait pas dans Demiurge, quoi. Et après, bon, ça ne veut pas dire pour autant que je vais complètement abandonner tout ce en quoi je crois et tout ce qui compte voilà, dans mes créations. Mais d'autant plus qu'il y a des choses que j'aurais à répondre à l'article, tu vois. Bon, je ne vais peut-être pas le faire là, mais qui. Pour expliquer en quoi un autre positionnement est aussi intéressant. Mais voilà, mais ça veut dire déjà que l'article est bon parce qu'il m'a provoqué une vraie réaction, il m'a fait beaucoup gamberger. J'ai pas encore fini, il me reste quelques trucs à lire, mais ça m'avait déjà fait l'effet quand j'avais commencé à le lire avant. Puis après, les pages que tu épingles sur ton navigateur internet sont effacées par ta fille qui ouvre quatre pages au lieu d'une. C'est ça. Enfin, voilà, et puis tu oublies que tu avais commencé un article. Donc je pense que voilà, déjà, la saine curiosité, c'est le truc de base quand on veut écrire la théorie. Et puis, les différences sont enrichissantes, bien entendu. Alors, ça fait un peu bisounours, sortez les violons et tout ça. Mais ouais, je me suis, enfin, voilà, je m'enrichis de ce que font les autres, y compris si c'est pas dans mon paradigme. Ça me paraît essentiel. Sinon, après, on fait du surplace, quoi. On pédale dans la semoule. Si on Voilà. Après, bon. J'ai toujours un peu de mal avec parfois les petites piques, les trucs qu'on peut lire qui sont dirigés envers les gardiens du temple de The Forge, dans lesquels je me sens, enfin, qui font que je me sens un peu visé, tout ça. J'essaie de prendre quand même ce qu'il y a de bon dans l'article en dehors de ça, parce que sur les CA, ça peut arriver parfois. Sans doute que le problème, c'est que par exemple, un courant de pensée comme le paradigme de la joueuse ou le player does matter, enfin ça, y a plusieurs noms, hein, c'est pas, ou même le jeu en performance, c'est des écoles qui se sont basées, tout comme l'OSR, en réaction à la forge. Donc le risque, c'est évidemment, tout comme dans les articles justement de Zach Smith, tout ça, de partir en charge contre la forge. Bon, je prétends pas d'ailleurs être exempt de cet écueil-là. Donc après, c'est vrai qu'il faut, quand on fait ces articles dans ces paradigmes-là, il faut essayer de pas le faire dans la confrontation. Mais après, quand on lit, bah si on n'a pas pu s'en empêcher, c'est vrai qu'une petite lecture bienveillante, ça peut aider, quoi. En fait, moi, par exemple, tu vois, quand j'aborde l'OSR, j'ai beaucoup de curiosité envers ça. Et donc, ça me fait toujours un peu mal de lire des réactions de gens pro-OSR qui s'amusent à tacler sans arrêt la forge. Et je me dis, ben, et alors, enfin, je sais pas, ça vous a pas nourri quelque part de découvrir des jeux qui cherchait à s'affranchir du scénario, qui cherchait à utiliser les mécaniques pour faire autre chose que juste éviter que la situation soit bloquée, quand des fois ça n'aide même pas à le faire. Voilà. Après, essayer de passer à autre chose ou de dépasser ça, c'est sain. Mais le fait de tacler gratuitement, bon, à part pour faire rire les copains ou quoi, bon, c'est. Après, bon, j'ai pas d'amertume non plus, hein, voilà, comme je dis, je trouve ça sain qu'on essaie de passer, enfin, voilà, d'explorer d'autres champs. Au contraire, moi, plus il y a de champs à explorer, plus je suis content. Ouais. Après, il y a deux choses que je voulais réagir sur deux choses. Parmi ce que tu pointes, Alors, attends, effectivement, ouais, surtout. vas-y. Excuse-moi, juste pour finir Oui, je t'en prie. mon développement là-dessus. En fait, c'est que, en fait, un des biais, c'est d'avoir l'impression que l'école forgienne, d'une part, est uniforme et qu'elle est devenue suffisamment importante pour que même dans des cercles indépendants, du coup, on puisse se permettre de la voir comme l'école dominante. Parce qu'en réalité, si tu regardes le nombre de ventes que font les personnes qui s'en réclament comme Fabien ou moi, déjà c'est dérisoire. Ouais, et puis même si Et on même en termes l'élargit au d'audience, GBTA, même en termes d'audience, à part la cellule qui est en plus une vision, enfin en tout cas la vision de Romaric est un peu à part aussi. Donc j'ai l'impression qu'il y a mieux à faire quoi, que de taper sur un pan de l'indépendance. ouais, je vois. Ce que Qui je. fait partie de la minorité rôliste. Oui, c'est ça. Ouais. Puis même au sein de la scène forgienne, on pourrait dire que les PBTA sont nettement plus mainstream que les jeux issus des ateliers imaginaires, par exemple, quoi. Ouais, ou même oui. Clairement. Ce qui me venait à l'esprit, d'après ce que tu dis aussi, c'est que le risque, c'est de tracer des frontières entre des écoles, alors qu'en réalité, enfin, c'est important, je pense, notamment en termes de game design, à un moment de se construire en réaction à une école de jeu. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment sain. Mais en Alors, même temps, il faut garder à l'esprit les convergences qu'il y a, notamment entre l'intérêt pour la systémique que portait la Forge et l'OSR, je dirais, actuel, il y a quand même des grandes convergences parce qu'on voit quand même que dans l'OSR, en fait, ils réfléchissent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au système, quoi. Donc, c'est un peu étonnant après de moquer la Forge derrière quand on réfléchit autant au game design de son côté, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis pour moi, enfin, moi j'ai fait 5 ans de Beaux-Arts, et donc bon, c'était pas la fac, hein. Les Beaux-Arts, c'est quand même une très grosse majorité de pratiques artistiques. Mais quand on présentait des œuvres, enfin des œuvres, pardon, des travaux à nos profs. Enfin bon, ça pouvait être des œuvres, hein, je ne dis pas, mais pas toujours. Une des choses essentielles qu'il nous renvoyait, c'était quel est ton héritage? Dans quel. En gros, Quel tu t'as courant te une se situe, affiliation quoi. avec quels artistes? Et est-ce que tu as compris ce que ces artistes évoquaient dans leurs travaux? Tu vois? Et ben, pour moi, un jeu comme Influenza, par exemple, c'est évident que c'est un héritier de The Forge aussi. Après que toi, tu le revendiques ou pas, c'est autre chose. Parce que ce jeu, à mon avis, n'aurait jamais pu exister sans les jeux qui l'ont précédé. Ah mais c'est, je le dis moi-même dans l'article de publication du jeu, hein. Notamment Limbic Systems a été cité. Et donc, je pense que la question, c'est de quoi on se nourrit. Et si forcément on a des désaccords. Il faut pas oublier en effet qu'on s'inscrit dans une histoire du jeu de rôle. Et j'ai l'impression que le fait de sortir de ça, ça fait beaucoup de mal, beaucoup de tort au milieu et finalement à ce qu'on pourrait en tirer si on appréhendait les choses plus dans cette question de filiation. Parce que typiquement, dans Space Ronin, par exemple, j'ai utilisé beaucoup de tables aléatoires, donc inspirées de l'OSR, quoi, Ouais, tout à fait. qu'on voit pas mal dans l'OSR. D'ailleurs, il faudrait peut-être que. En même temps, il y a tellement de jeux qui le font. Je ne sais pas si ça vaut le coup de citer Old D&D Dans Mais les bon, inspirations. d'inspiration, oui. Pour moi, c'est plus fertile en effet, enfin, c'est même dans les milieux académiques, à la fac, et même donc aux Beaux-Arts, si tu arrives en disant voilà mon œuvre, voilà mon travail, sans toi-même faire des références avec des artistes qui ont existé, parce que les profs ils vont le faire forcément, et ben en fait c'est considéré comme une forme de plagiat. À l'université, si tu fais des travaux sans faire les liens avec ceux qui ont avancé dessus avant toi, c'est considéré comme du plagiat. Ouais, après, je pourrais contre-argumenter avec Avec le cas particulier de l'art outsider, mais bon, la à partir du moment où tu es étudiant en beaux-arts, tu peux pas te considérer comme étant artiste outsider puisque tu as forcément un contact avec le milieu culturel dominant, Oui, quoi. Donc, du coup, en fait, ma remarque est nulle et non avenue. bien sûr. Voilà, c'était. Ouais, et je pensais à une autre chose aussi, c'est que pour autant, je pense que c'est intéressant d'avoir un regard critique, notamment par rapport au corpus théorique qui a précédé ou aux jeux qui ont précédé ou qui nous sont contemporains. Mais alors, pas dans le but de se faire mousser en disant qu'on fait mieux que les autres, mais dans le but de réussir à recréer une cohérence qui à nous convienne et nous permette d'avancer dans une direction, quoi. Personnellement, moi, ça m'a été utile de retourner fouiller dans les premiers articles de la Forge, la théorie 101. Tous les articles sont traduits en français sur PTG, PTB, pour voir que clairement il y avait des contradictions. Après, parce que c'est des articles d'auteurs différents sur des années, quoi, avec de toute façon une pensée qui évolue, quoi. pour voir qu'il y avait des contradictions, mais après, le but, c'était pas forcément de dire que la forge s'était pétée, quoi. Peut-être tout simplement que j'avais moi-même pas les références, parce que c'est en plus des articles, quand même, il y a vraiment, ils sont très hypertextes, ils font référence à des discussions sur les forums que j'ai pas lus et tout, donc ça se trouve, juste lire les articles eux-mêmes, c'est sans doute perdre une bonne partie du sens. Mais ce que je voulais dire, c'est que en pointant les incohérences de discours, notamment dans les articles de La Forge, ça a Les permis à failles. moi de me créer une cohérence, de me créer une vision systémique qui m'appartienne, en fait, et qui puisse être lisible pour moi, en fait. Ouais. Et puis, de Des, toute ouais, façon, me recréer une grille de lecture, quoi. même un modèle comme le Big Model, il y a des choses en creux. Et donc, forcément, les personnes qui ne sont pas qui ne s'y reconnaissent pas, c'est sans doute qu'elle, d'une part que la direction après créative compris les auteurs de The Forge, donc plutôt à créer des jeux spécialisés et majoritairement, en tout cas pour ceux qui sont connus, orientés vers le narrativisme. Je pense que pour beaucoup de personnes qui étaient fondamentalement plus intéressées par le simulationnisme, The Forge, enfin, les excluait un peu, mais pas volontairement en fait. Ouais, C'est juste. c'est ça, c'est juste un état de fait, comment la communauté s'est formée, quoi. Voilà, puisque dès le départ, que ce soit Ron Edwards, Vincent Baker, etc., ce sont des personnes qui ont une très longue carrière de rôliste et qui, en fait, avait beaucoup de frustration envers la façon dont les jeux et les parties tournaient. Donc, qui ont cherché autre chose, qui avaient, par exemple, un truc tout bête, mais le coup de crocheter une serrure dans beaucoup de jeux et de pratiques tradies. Échec codé, bah, qu'est-ce qu'on fait? On retente. C'est souvent des situations qui sont bloquées. Et donc, il y avait une volonté de passer outre ça. Alors, c'est vraiment là, je prends vraiment le détail à la con, parce que en réalité, The Forge a été quand même de grandes réflexions pour s'affranchir du scénario linéaire, même du scénario tout court, on pourrait dire, et de pouvoir quand même avoir des parties suffisamment dynamiques en utilisant les règles, le système pour. Enfin, les. Ouais. Les mécaniques souvent, mais pas que, et la structure et des structures potentielles pour pouvoir avoir voilà une émulsion créative, pour avoir quelque chose qui puisse remplacer avantageusement le scénario. Mais c'est amusant parce que des années plus tard, sur Google+, tu vois Gerard Sidoit-Fine qui dit bah, la joueuse, elle a raté son jet de crocheter une serrure à Dungeon World et j'ai pas su comment faire. Et en fait, il donne toutes les clés systémiques proposées par le jeu pour gérer la situation. Et en fait, il se retrouve embêté parce que finalement, il a les clés, mais il sait pas laquelle. Enfin, les clés. J'aurais pas dû Oui. dire ça parce qu'on parle de crocheter une serrure, mais le système lui donne des issues, contrairement, on va dire, au modèle classique. Mais pour autant, il ne sait pas entre quelle issue trancher et il se retrouve dans une espèce de paradoxe de l'âne de Buridan où le système lui propose plein de solutions, mais du coup, il est tout aussi frustré parce qu'il est persuadé que la solution qu'il a choisie a été moins bonne que celle qu'il a écartée, quoi. C'est drôle ça. Enfin, je trouve que ça remet en perspective parce que du coup, Dungeon World. Enfin, je ne sais pas à quel point la personne qui l'a créé, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, a eu une réflexion autour de ça, en fait, tout simplement. Hein. Si c'est le cas, du coup, d'où vient le problème, au fond, je ne saurais pas dire parce que j'ai pas lu les chapitres à ce sujet, mais c'est drôle la mise en perspective que fait le fil de De Gerhardt. Gerhardt, ouais. C'est intéressant. D'ailleurs, ça me fait penser à un billet de Vincent Baker C'est Adam Coble, l'auteur de Dungeon World. Et donc un billet de Vincent Baker qui lisait les livres d'Elric de Moorcock, et et qui disait en fait que par moment, ben, enfin, justement, qui parlait de ça, du problème de rester coincé devant une porte dans une partie de jeu de rôle, qui disait que ben, parfois dans Elric, il rate des actions à la con, quoi. Ouais. Comme escalader une falaise, comme enfin, je sais pas quoi. Et il disait pourquoi, enfin, nous, on a voulu s'affranchir de ça, mais maintenant je me rends compte que dans certains romans, la situation existe, je me l'utilisais en jeu de rôle, mais sans que ce soit chiant comme avant et sans juste dire qu'on ne fait pas de jet de dé pour ça comme on l'a fait dans la plupart des jeux Ben, en forgés. fait, c'est vrai qu'on peut se dire qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu tout simplement un glissement des références culturelles qui fait qu'on a eu besoin de game design différent. J'avais vu, alors je serais incapable de retrouver la référence hein, malheureusement, mais dans la blogosphère OSR, il y avait quelqu'un qui avait exhumé les références littéraires de Gygax Ouais. et Arneson. Et c'était certains livres de fantasy, je suis incapable de vous redire malheureusement les auteurs, mais en fait c'était des livres de fantasy qui étaient plutôt parodiques, c'était pas Le Seigneur des Anneaux, hein. Et en fait où les héros rataient tout le temps, quoi. Et en fait, en réalité, Donjons et Dragons 1, il émulait ça, quoi. Écoute, un peu picaresque. Voilà, exactement, ouais. C'est drôle, ça. Et donc, je pense qu'à partir du moment où bon, il y a eu je pense que l'appel de Cthulhu ou Vampire ont bien marqué ça, à partir du moment où nos références culturelles changent, ce qu'on veut faire en jeu change. Et donc, ça implique des ruptures, des schismes assez importants en termes de game design, d'école de pensée de jeu, quoi. Mais du coup, ce qui est important, c'est remettre ça en perspective, se dire, bah, c'est juste qu'on n'est pas sur les mêmes genres narratifs ou les mêmes genres ludiques. C'est pas une école qui a raison contre l'autre, quoi. Ben non, il y a enfin, par exemple, The Forge, quand le forum a été ouvert en 2000, Ron Edwards bossait sur, enfin, a publié Sorcerer, je ne sais plus combien de temps avant ou après l'ouverture du forum. Et puis, je ne sais pas l'âge qu'il avait à l'époque, mais il était plus proche de 40 que de 20 ans. Il avait quand même une longue carrière de rôliste derrière lui, puisqu'il a commencé avec la boîte rouge, je crois, de Donjons et Dragons. Et donc, c'est aussi des personnes à un moment donné de leur vie qui ont des priorités différentes. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je me vois pas partir, étant donné ma fréquence de jeu, vu que je déménageais. Avant, j'habitais à Poitiers, on jouait quasiment toutes les semaines, enfin, ou toutes les 2 semaines, parce qu'on a, enfin, c'était facile d'aller chez les uns et chez les autres avec mes potes. Et aujourd'hui, je suis un peu à l'extérieur de Lyon. J'ai beaucoup plus de mal à organiser des parties, donc je me mets à jouer en ligne. Il y a des contraintes qui font que certains jeux nous conviennent mieux que d'autres. Là, j'ai pas envie de partir sur une campagne sur 3 ans avec un seul jeu. J'ai envie d'explorer plein de jeux différents, éventuellement de faire des campagnes courtes, de moins de 10 parties, quoi. Ça me renvoie à un article que tu avais écrit sur, je crois que c'était Silent Drift ou les ateliers imaginaires, Silent Drift plutôt, le syndrome orphelin du tout-conflit, où en fait, des fois, on a justement, du fait que on essaie comme ça, ces temps de jeu qui se réduisent, qu'on essaie de faire des parties qui sont plus efficaces, quoi. Mais que du coup, des fois, on avait des jeux qui étaient tellement efficaces qu'en fait, il y avait une véritable frénésie. Axel Cazeneuve l'a fait un mémoire sur le GN nordique à la française, qui est vraiment génial. Et donc, Axel Cazeneuve participe à un GN émotionnel, quoi. Et en fait, faut imaginer une partie des cordes sensibles, mais sous crack. C'est-à-dire que en 2 3 heures de temps, les personnages, mais il leur arrive les pires trucs possibles, tu vois. Et en fait, la critique qu'Axel émettait, c'est qu'en réalité, c'est un côté artificiel. C'est-à-dire que tu te prenais l'équivalent de 5 camions dans la figure pendant la partie. Et en fait, ça en devenait presque impossible à jouer. Donc, des fois, il y a aussi besoin de réaérer les jeux. Ben, en fait, c'est un peu une des choses que je reproche à Vampires, a Postmodern Role-Playing Game de Victor Gisbers. Voilà, une sorte de frénésie. Ouais. C'est que le jeu essaie tellement de nous faire aller dans des scènes violentes et qui peuvent nous heurter, qu'au final, c'est très artificiel. Et oui, et ma première version des cordes sensibles, hein, c'était des successions de conflits. Chaque scène était un conflit. C'est ça dont je parlais dans le syndrome orphelin du tout conflit. Voilà, ouais. Et en fait, du coup, ça manquait très facilement, les parties manquaient très facilement de subtilité parce qu'on n'avait pas le temps De digérer le conflit, ouais. Les petits détails des interactions, tu vois. Là, on était directement dans du conflit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et clairement, la qualité de la fiction produite en pâtissait énormément. Puis même ta réception, parce que j'ai envie de dire, si on te dit bon bah ton papy vient de mourir, ah réagis, et puis 2 secondes après comment tu viens de perdre ton emploi, réagis, enfin il y a un moment bah tu fais ouais bah je m'en fous en fait, enfin tu peux pas jouer de façon ni ressentir ni jouer de façon intéressante quand les choses s'accumulent de façon trop artificielle quoi, quand l'intensité est trop forcée quoi. À une époque, je réfléchissais pas mal à créer des jeux de rôle je dirais, un peu tout public. Tu vois, les jeux qu'on pourrait mettre dans une petite boîte et vendre dans les magasins spécialisés. Écrit à la Rousse. Mais dans le. Pardon? Une boîte Larousse, quoi. non, non, pas. Justement, des jeux peut-être plus apéro, quoi. D'accord. J'avais créé un jeu qui s'appelait Loser RPG, qui tenait en 2 pages. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, c'était un joueur face à plusieurs MJ. Et en fait, en fonction de la répartition de la parole, les MJ pouvaient, enfin, mettaient sans arrêt des embûches. Alors, on choisissait un objectif à la con, comme se faire cuire des poissons panés ou changer l'ampoule des toilettes. Et en fait, les MJ faisaient pleuvoir une avalanche d'aléas, enfin pas d'aléas, mais de catastrophes sur la tête du PJ. Et franchement, mes premières parties de ce jeu, c'était l'éclate totale. Et au bout d'un moment, je me suis dit. Enfin, j'ai commencé à m'ennuyer très très vite. Et en fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que j'étais vraiment pas fait pour faire ce genre de jeu, en fait. Et moi, il me faut toujours des jeux où il puisse y avoir un minimum déjà de respiration ou un petit peu de complexité pour que ce soit pas trop répétitif enfin répétitif au sein même de la partie, quoi. Qu'il fallait qu'il y ait un maximum aussi de potentialité dans la construction de fiction, en fait, il me faut des jeux organiques, quoi, il me faut des jeux où les choses vont se construire par les participations conjuguées de tous les joueurs, MJ compris s'il y en a un, Ouais, je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit, ces jeux-là, c'est pas pour moi. Faut pas que j'essaie de faire des jeux pour le grand public parce que même si nos premières parties, dans la découverte du truc, enfin, il y avait une hilarité autour de la table assez phénoménale. À ma troisième partie, j'avais essoré le jeu. Après, le principe d'un jeu apéro, c'est que ça, une sa rejouabilité n'a intérêt que parce que tu joues avec des personnes différentes, que enfin c'est le jeu social qui prend le pas C'est pour pas que ça faux, reste c'est pas intéressant. faux. Mais du coup, j'assumais pas trop, quoi. C'est comme un Time's Up, enfin je veux dire le game design de Time's Up, il est vite épuisé, y a plus que ça tient plus que par le social rapidement. C'est vrai. Mais par contre, Time's Up, quand j'ai joué quand j'ai joué en famille avec ma fille et tout, ça me déplaît pas, quoi. Alors que ce jeu-là, ben, j'ai essayé d'y jouer avec ma fille et donc Loser RPG. J'ai joué avec ma fille, et ben, même si elle a trouvé ça amusant, ben, comme j'avais. Ben, moi, je me suis ennuyé, alors que je peux rejouer à Time's Up, quoi. Bah voilà, un nouveau champ théorique à explorer, Frédéric, les jeux de rôle apéro. Ouais, mais non, j'ai trop de boulot avec mes 15 jeux que j'ai sur le feu, Tant pis, quoi. le vide fertile n'arrivera pas encore aujourd'hui, jusqu'au jeu apéro. Une prochaine fois, Bah justement, il n'y avait aucun vide fertile, hein, dans le peut-être. RPG. Alors là, c'était beaucoup trop. C'était un jeu qui allait beaucoup trop droit au but. Alors, je dirais même que j'avais fait une belle machine à saucisses quand même. Et d'ailleurs, la version des cordes sensibles qui s'appelait Psychodrame à l'époque, où on ne jouait que des conflits, pour moi aussi. Bon, je ne parle pas en général de machine à saucisse parce que c'est hyper. C'est très péjoratif. Mais Ah, pour des mes jeux à sel, quand même. jeux, je me le permets. C'était aussi de la bonne machine à saucisse. Entendu. Est-ce qu'on a fait le tour sur tes intérêts portés eh bien, aux autres réflexions sur Ouais, le game j'ai pas trop design? développé les articles d'ECA qui m'ont plu, les cours alternatifs. Bah, comme tu veux, si tu as besoin d'encore un peu de temps pour développer. Ouais, je peux dire en effet que, par exemple, j'ai beaucoup aimé le podcast de Tout le monde s'en rôliste d'Arjuna avec Manon et Simon Lee autour de Vampire, le jeu de rôle, de Vampire la Oui, Mascarade, tout à en comparaison avec les romans d'Anne Rice. J'avais écrit un petit article, justement, un petit billet d'humeur, quoi, pour expliquer que, en revoyant Entretien avec un vampire, le film, j'avais compris mes attentes déçues concernant Vampire la Mascarade, et j'ai trouvé que leur podcast était vraiment super intéressant à écouter. Et pareil, ils parlent de leurs attentes autour du jeu de rôle de White Wolf et de eux qui connaissaient déjà les romans. Alors moi, j'ai jamais lu de romans d'Anne Rice, par contre, hein, mais eux qui justement en avaient lu pas mal avant de jouer au jeu de rôle, avaient été vachement déçus du coup de la même façon. Et je trouvais qu'ils en parlaient très très bien. Alors bon, il faut, je préviens, hein, mais au niveau du son, par contre, le podcast est un peu difficile à écouter par moment, quoi. Il y a des fois on n'entend pas très bien quelqu'un, il y a des craquements assez forts, des trucs comme ça. Mais le contenu vaut la peine de passer outre. Non mais si les gens écoutent les podcasts Outsiders, je pense qu'ils sont prêts à écouter des sons bien bruts, s'il n'y a pas de souci. Oui, je me suis posé la question sur le coup, quelle va être la qualité sonore de ce podcast. Bon, après, quand on passe par Hangouts ou quoi, forcément, hein, il y a des contraintes de qualité sonore qui sont un peu difficiles à dépasser. Ouais. Et puis voilà. Et puis j'avais, je lis aussi régulièrement des articles, donc de KF, en fait, tout ce que je peux, hein, même Mathieu B sur C'est pas du jeu de rôle. Donc voilà, je disais Felondra, tout ce que, en fait, comme je disais, hein, dès que le sujet m'intéresse, je me stocke l'article quelque part, et C'est ça, voilà, je le lis pas forcément tout de suite, mais après, c'est parfois difficile de savoir à l'avance si le sujet va nous intéresser, mais bon, c'est normal, quoi. C'est comme. Ouais, donc c'est comme une boîte de chocolat. Voilà, on sait jamais sur quoi on va tomber. Mais globalement, il y a des réflexions très intéressantes. Je dirais aussi que, voilà, comme je m'intéresse à la systémique, donc au côté macroscopique, forcément les approches qui s'intéressent plus aux gestes rôlistes, par exemple, ou me parlent moins, même si, comme tu disais tout à l'heure, il y a toujours des choses que je peux réutiliser pour mes jeux, par exemple. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi en tout cas, je recommande vivement aux auditeurs qui ne le feraient pas encore de s'intéresser à tous ces champs théoriques qui sont vraiment passionnants. Et peut-être du coup de trouver leur propre paradigme, leur propre ou des centres d'intérêt auxquels ils n'avaient pas accès avant, parce que c'est aussi ça qu'est de la théorie, à pouvoir mettre le doigt sur des choses qui se passent parfois sous nos yeux, dans nos parties de jeu de rôle, et auxquels on était aveugle ou en tout cas myope. Bah, je trouve un peu pour te paraphraser, ce que ça permet de notamment de cerner des profils de joueuses. Et en fait, c'est des personnes que tu sais que tu vas peut-être avoir à ta table ou aux tables, des tables qui vont faire jouer à tes jeux, quoi. Et donc, c'est bien d'un peu cerner les différents profils qu'on peut rencontrer pour savoir soit si eh bien, on game design de façon adaptée à ces personnes ou si on se débrouille, enfin, ou si on envoie des messages subliminaux pour demander à ces personnes de ne pas s'intéresser à nos jeux, quoi. L'un comme l'autre, du coup, s'intéresser à la diversité des écoles de pensée en jeu de rôle, c'est aussi ça. Bon, c'est ce qu'avait fait la GNS en son temps, hein, mais on voit bien qu'il faut aussi analyser sous d'autres prismes que la GNS. Et donc, se faire un petit peu ça. Moi, j'aime bien avoir mon trombinoscope, entre guillemets, de joueuses avec des profils, des attentes différents, et me demander ben, comment je leur réponds, quoi. Ça, les articles m'y aident pas mal, quoi. Ben oui. Moi, même dans Notamment justement l'Ambit Systems, parce que ça va cerner un certain profil. Et je vais voir, est-ce que je réponds positivement à ce profil? Si oui, comment je fais? Est-ce que je fais cohabiter avec d'autres profils ou non? Ah ouais. Et puis moi je sais aussi que enfin avoir écrit pas mal de théories et lu beaucoup de théories, hein, ça m'aide aussi beaucoup dans l'écriture de jeux. Sur le plan pédagogique. Alors, je ne vais pas du tout utiliser les concepts théoriques tels quels, mais du coup, je vais réfléchir à comment les reformuler d'une manière Plus plus, musique. ouais, et plus proche de ce que ce jeu-là porte. Tout à fait, ouais. Ouais, enfin, voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment. En fait, aussi, la théorie, ça aide aussi à élargir nos horizons, quoi. À pouvoir appréhender des formes de jeux de rôle auxquelles on n'aurait pas accès sans ça. Des pratiques, des... Ouais, parce qu'il nous faudrait, enfin, si on voulait l'appréhender par le jeu ou par la lecture de jeu, il nous faudrait plusieurs vies en fait. Les articles, je trouve que les articles et les podcasts fournissent vraiment un gros condensé d'expérience. Bon, je dirais la même chose des certains forums aussi, comme Casus No par exemple, hein. Oui. Ou bien sûr le Discord des courants alternatifs, hein, pour faire un peu de copinage. Voilà, t'as bien raison. Ouais. Ouais. Bah, je crois que ça fait une bonne conclusion, non? Voilà. Eh bien, je tenais sincèrement à te remercier, Frédéric, pour t'être prêté au délicat jeu de l'entretien. Eh ben, Ça faisait le un plaisir moment est partagé. voilà, que je voulais un petit peu échanger avec toi sur tous ces brûlants sujets. Et donc, je suis vraiment heureux qu'on ait pu se trouver une plage pour le faire, quoi. Ben franchement, ouais, ça m'a fait. Enfin, j'ai trouvé que ça a été vraiment une discussion très enrichissante pour moi aussi. Et je te remercie beaucoup pour tes talents de maïeuticien. C'était vraiment un exercice très, très, très, très plaisant. J'ai été à bonne école, j'en connais une qui se reconnaîtra. Eh bien, je vous remercie, cher public, messieurs, mesdames, personnes non binaires, pour votre écoute. On va rester enfin, moi, en tout cas, je vais rester disponible pour lire vos commentaires, voir si on peut réagir, repointer vers des articles s'il y a des besoins. Bon, Frédéric, je ne sais pas si tu auras l'occasion de lire toi aussi des commentaires, mais si vraiment il y a des questions pointées vers toi, de toute façon, je te les ferai remonter. Ok, ben c'est faisons comme ça. Très bien. Salut à tous, portez-vous bien. Au revoir.